Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Toi, tu passes tous les bacs. Il a levé la main surtout. Je passe tout en même temps. Amir, que vous entendez, sera notre invité dans quelques jours parce qu'on va vous faire des émissions de ouf jusqu'à fin juin. N'en ratez aucune. Par exemple, n'en ratez pas le retour de Black M qui sera notre invité. Il y aura Bob Sinclair qui va venir mixer. Je peux mixer vendredi, moi? Normalement, elle a du bruit. Hey, sans déconner, tu sais qu'il y a des gens qui se poignarderaient les fesses à coups de saucisses chaudes pour que j'aille mixer chez eux dans leur club. Et Julien fait ouais, si tu veux, enfin on va voir. Ouais, si, peut-être. Si, il n'y a pas de problème. Hier soir, t'as dit oui. Hein. Ouais, mais t'étais oui. bourré. Ouais. Il y aura Kinvey, parce qu'hier soir, on est allé boire un verre après l'émission et Julie était. Des trucs à boire. Julie était. Elle s'est levée après ses deux verres de vin. Elle s'est en mode allez, on y va. Allez, on y va. Il n'y aura pas Slimane qui va venir nous voir aussi. Il y aura mon pote Ritza, on va aller faire un tour avec Tal qui viendra. Et puis on aura les Little Mix qui seront nos invités d'ici quelques jours. On vous expliquera tout ça, vous les verrez, vous les rencontrerez. Vous leur ferez des bisous jusqu'à fin juin. On va tout vous défoncer pour aller jusqu'à la dernière. Elise Moon et Franck Dubosc aussi, faut pas les oublier. J'en sais, tu as raison. Elise Moon, ils chantent pas, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, et hier, on a eu, hier donc on est allé boire un verre avec toute l'équipe. Et Julie Merci pour l'invitation, mais c'est comme d'habitude. Il faudrait faire des invitations Facebook groupées bientôt pour tout le monde. Quand on dit on va boire un verre. C'est vrai qu'il l'a dit tout fort. Et toi, tu pars tout de suite à 22h. Ah oui, bien sûr, je suis à 22h dans ma voiture, t'as raison, oui. Il est chanchon. C'est vrai, tu vas. On commence bien l'émission. Si vous ne l'invitez pas, il y a des raisons qu'il soit énervé. Moi, j'ai dit en partant, on va boire un verre. Après, moi, c'est pas moi. Moi aussi, pareil. Allez, bon, en tout cas, Julie a fait un truc très très bien hier, puisqu'elle s'est levée et elle a fait un truc extraordinaire. J'ai rien fait. Et là, elle m'a fait une Julie sublime. Elle s'est levée avec sa carte bleue. Elle a été demander l'addition. Oui. Et elle a regardé l'addition. Et elle l'a reposé sur la table. Et là, j'ai trouvé que c'était genre en mode « Je vous invite les gars, oh, pas du tout !» Mais non, je voulais. Et bah, elle s'est fait rincer, comme voilà. Le truc habituel, hein, les nanas se font rincer. C'est vrai. Comment ? C'est vrai, tu nous invites. De toute façon, si c'est parlé attendre après toi, on aurait attendu longtemps. Hein. Moi, j'ai entendu parler de Bérénice. T'es pas venue toute seule. Bérénice est venue avec un mec. Oh, bah, tout ça, c'était une très bonne soirée. Et comment t'as été rentrée au fait ? Non mais je suis en rentrée en voiture. Elle l'a raccompagnée. Elle a rien vu de la route. Il a traversé Paris. Rien vu de la route. Elle voyait la route. Elle voyait plus la route. Elle aurait du mal à rentrer, à retourner chez lui, tellement elle a pas vu la route. Bon, Bérénice, les filles, ça va, Stouff ? Oui, super. Ça va, 0870-42-48, passez-nous un coup de fil, Julie, ça va ? Oui, ça va. Compte en banque va bien, pas trop creusé hier soir, ça a été, fait des économies. Pietre, ouais, nickel, Guinguette va bien ? Ça va bien, ouais. La vidéo cartonne avec la rencontre de Kev Adams, c'est le toc-toc-toc avec Loris de France, évidemment. Bah oui, bien sûr. Non, c'est un gros carton, c'est bien. Ah oui, non, carton. Ouais. Donc, allez voir les deux et tout, comme tu te la racontes. Ça va, Jérémy ? Bah écoute, ça va. Hein. Il est vénère, Jérémy. Désolé, Jérémy, ça te n'est qu'à moi, tu sais, moi j'invite. Mais t'as pas entendu quand on a dit on va boire un verre ? Excuse-moi d'avoir un peu de travail de temps en temps. Mais non, mais il l'a dit à la fin de l'émission. On l'a dit plein de fois d'ailleurs. Ouais, on l'a dit trois fois. Bien sûr. Ouais, non. Moi j'ai dit j'y vais pas, inviter plutôt Jérémy à ma place, ils m'ont dit non. Tout à l'heure, on aura un ils sont cool ou pas avec un nom trop marrant. Il y aura le tribunal populaire, il y aura le jeu du public. Oui, le public. Aujourd'hui, nous allons faire réviser la philosophie. Ils ont des bonnes têtes à être calés en philo. Vous avez des têtes de philosophe. Si, vous avez des têtes de grands philosophes. Bon, on en parle du journal qui... PQ, oui, on peut le dire. Rigolade. T'es dans le classement. C'est PQ. PQ. Ah, c'est pas JQ, c'est PQ. Donc qui nous ont fait, ils ont fait un classement donc des mecs les plus mal habillés. Je suis dedans. Vous avez vu, j'ai fait un très beau tweet. Ouais, j'ai vu. Ouais. Où je leur ai fait un wad. Ouais, c'est bon. Non, mais ce qui est drôle, c'est comme que ça, les gens diront quoi. Il n'a pas d'humour. Non, il n'a pas d'humour. Voilà, c'est tout. Oh, arrête, c'est drôle pour le coup. Non, c'est pas c'est drôle. Non, mais regarde tous les gens qu'il y a dans le classement. Ils excuse-moi, pas tous Julie. Mal, pour le coup. Excuse-moi, en plus, la photo qui est choisie, pardon. C'est ça, on est ça à Cannes. C'est eux qui sont habillés en manteau de fourrure, comme des rappeurs des années 60. Moi, j'ai un petit blouson en cuir qui m'a coté la peau des webs, et c'est moi qui suis mal habillé sur la photo. C'est ça qui est drôle. C'est toi qui es. Mais c'est ça pour JQ, quoi. Tu t'habilles avec une serpillière achetée en friperie bobo de mes couilles que tu vas en Vélib. Là, t'es bien habillé. Tu t'habilles avec un petit manteau en cuir. T'es un beauf. Il vous encule, le beauf. Moi et toute la Légion de Beauves de France et JQ, on n'achète pas votre journal. Alors soyez pas contre nous. Enfin, bon, pour le coup, tout le monde ramasse. Hein. Mais je m'en fous. Je m'en fous que les autres ramassent. Je parle de moi. Mais c'est vrai, c'est horrible parce que tous les gens qui portent un petit blouson en cuir, du coup, ils sont visés. Quoi. On va se dire un truc. En même temps, je m'en fous totalement. Là, je déconne, mais être dans les mecs les plus mal habillés, que j'en ai à foutre. T'as vu comment je mets un jean et je mets des. Mais non, mais ils ont mis de Benzema, Jabi Koni, Dolormo, tout le monde, Kenji. Benzema, c'est normal. Mais Nicolas Hulot, oui, c'est oui, normal. Ouais. David Guetta, bon. Et ils ont pas mis le mec de la CGT. Ouais. Pierre Martinez, là. Non, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est compliqué, là. Je sais pas, Pierre Martinez. Parce que lui, il est bon, lui. Ils ont pas mis Maître Gims avec son costume de. Ouais, c'est vrai que Maître Gims, il aurait pu être dedans. Hein. Ouais, il rumine quand même. C'est des enculés parce que sur la photo, je suis pas mal. Franchement, je suis désolé. Regardez, je montre au public. Franchement. Non, mais c'est surtout que nous, à côté, on est ridicule. J'en ai fait des photos où je suis habillé comme une merde. Mais je le sais. Mais pas là, quoi. Pas là. N'empêche. Vous m'avez attristé. N'empêche, il y a un truc, c'est que tu passes ton temps à dire, de te moquer des fringues de Julie, des nôtres, dès qu'on met un truc de couleur. Mais non, on est JQ, tu vois. Voilà, on est JQ. Montre la photo. Montre la photo. Je suis dégoûté. Allez, montre. Tiens. Ah oui, donc c'est encore une photo où j'étais pas dedans. Ouais. Ah, mais bien. On est bien. C'est pas faux. Il y a même quelque chose. Mais comme ça, on est soudés ici. Hein. Il y a même le caméraman, mais il n'y a pas le GRM. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Coé est peut-être l'un des hommes les plus populaires de France. Et il a le style qui va avec enculé. Enculé, mais c'est pas possible. T'as le style de tous les gens de France. Mais oui, mais je déconne. Enfin, pas tous. Mais vous savez quoi, je m'en fous, mais bien sûr. Mais en plus, ils ont raison. C'est vrai que voilà, c'est tout. Mais déchire la feuille quand même. Hein ? Non, mais ça y est, n'empêche, le t-shirt que tu portais à col V, c'était plus la mode. Et t'en mets plus aujourd'hui. Oh, c'était il y a deux mois, le tac. Il l'a remis hier. C'était cet hiver. C'était et il l'avait hier. Il l'avait plus hier. Quel connasse. Sans rire. Mais enfin, est-ce que vous allez me faire chier ce jeune homme qui est au premier rang avec son t-shirt, si on lui demande si c'est infaçonnable, si c'est à la mode ou pas? Est-ce que vous allez me faire chier le jeune homme à gauche en Tommy Finger, en lui demandant s'il y a un gap, c'est à la mode ou pas? Est-ce qu'on va faire chier les gens en fonction parce qu'ils sont de depuis connus, quand toi, mais connu. Depuis quand sous prétexte que t'es connu, faut être branché et sortir d'un catalogue de mode et être bobo. Faut montrer l'exemple. Mais on montre pas l'exemple, je les emmerde, je m'habille comme je veux, quand je mon placard, c'est mon placard. Mais oui, t'as raison. Leur chionner moi, GQ, qu'ils aillent remplir mon placard s'ils sont pas contents. Ce qu'il y a dedans, et mon placard, et moi, et tous mes meubles Ikea, on vous encule. Et voilà. Oh, pas me faire chier, GQ non plus. Bienvenue sur Énergie, j'espère que tout va bien. J'adore. Dans un instant, il y aura Linda, mais c'est vexant, c'est l'un des mecs les plus populaires de France, il a le style qui va avec. Les mecs, ils sont insultants vers tous les gens. Et ben, c'est pour ça que personne les achète. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. On est là sur Énergie. Merci de nous avoir choisi, j'espère que tout va bien. Tout à l'heure, en fin d'émission, je ferai venir un groupe qui cartonne dans toute l'Europe. Ouais. Et je vais être franc avec vous, avec cette chanson-là, si la pluie ne tombe pas, ça, j'ai l'impression que c'est un truc indien, c'est quand il pleut. Ah oui. Oui, exact. Ah ouais, t'as raison. Il y aura Walking on Cars, qui connaît dans le public ? Très gros succès. Donc, en tout cas, ils seront nos invités. un carton. Mais eux, dans JQ, on va les adorer. Hein. Ah oui. Les mecs vont dire Walking on Stars, c'est génial. Ils s'habillent avec un vieux pull, ils ont des barbes et tout. C'est bien, c'est génial. Bobo. C'est génial. Ça sent, la petite marinière. C'est bobo, ça, c'est génial, ça sent le pas propre. Quand ça sent le pas propre, sur JQ, on t'adore. Il faut que ça sente le Johnny Depp, il faut que ça sente le fond de poubelle un peu. Tu vois, si tu sens le truc pas clean, c'est à la Vanessa Paradis, et ils aiment bien. Il faut que ça sente le pas trop la savonnette, plus le placard. Un peu bobo, quoi. JQ, ils sont un peu plus dandy. Ouais, ils aiment dandier chez eux. Bon, allez, on fait un bisou. Linda. Ouais, je déconne. Bon, ça va, Linda? Je dis je déconne parce qu'il y a des gens qui vont croire que je suis premier degré, donc je rigole. Linda, ça va, ma chérie? Oui, ça va super. À qui tu parles? Je veux savoir à qui tu parles. Depuis tout à l'heure? Bah oui, là je t'entends parler, j'entends. Oui, parce que c'est une pote à moi, elle me soutient psychologiquement. Laisse ta pote à moi, à toi, Linda. T'es jolie, dis donc! Ah, merci. Tu me dis, je suis actuellement en relation à distance depuis un an et demi. Ah ouais, quand même. On a beaucoup de difficultés pour se mettre ensemble. Je vous l'expliquerai à l'antenne. Et en fait, je l'aime beaucoup. C'est mon premier amour et j'ai envie d'aller le voir. Mais j'ai vraiment peur de notre première rencontre. Ah ouais, vous ne vous êtes jamais vu. Premier amour, mais tu le connais pas, quoi. C'est compliqué, c'est pour ça que j'ai dit. C'est un peu difficile. Donc, je suis un peu stressée par rapport à ça parce que j'ai vraiment envie d'aller le voir. Mais j'ai peur, je le plaise pas en vrai, parce que j'ai traîné qu'avec des jolies filles, mais vraiment, mais genre en mode bonade et tout. Mais attends, donc, il habite où? Alors, vous habitez où, chacun? Il habite où? Moi, j'habite à Marseille. Elle dirait qu'elle fait un sport élec en même temps. Vers Rouen. Elle habite vers Rouen. Mais qu'est-ce que t'allais te trouver un mec de Rouen alors que t'habites à Marseille? Bah, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Mais oui. Bah, en fait, c'est un pote à moi. Non, mais c'est un pote à moi de Marseille qui le connaissait des jeux vidéo et tout. Et en fait, il me l'a présenté. Et je sais pas comment ça s'est fait, mais on s'est mis ensemble. Les jeux vidéo, ça crée que des couples virtuels. J'en connais autour de moi. Non, mais moi, je joue pas aux jeux vidéo. Oui, mais c'est quand même une rencontre d'un pote de jeux vidéo où il joue en réseau. Oui, c'est ça. Bah, oui. Et vous avez quel âge? Alors, moi, je vais avoir 20 ans, donc pas longtemps, et lui, 13. Ouais. Et combien 24, c'est ce qu'il dit. En fait, il en a 12. C'est chaud. Non, il a dit, mais genre, il était plus grand que moi, même psychologiquement. Donc, moi, je suis une grosse gamine de ce moment-là. Vous avez déjà fait des FaceTime et tout ça ensemble? Oui. Ah bon. Vous avez déjà fait des trucs cochons? Non. En FaceTime? Bon. Il n'y a pas eu un seul petit, vas-y, montre-moi tes seins. Non. Pas du menteuse tout. Oh, que tu mens mal. Non, mais attends, vous êtes amoureux? Oui. Les deux ou que toi? Non, franchement, les deux. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et tout. On s'est quitté, on va dire, deux fois. C'était trop compliqué. On s'est quitté, on s'est remis ensemble. Et en fait, là, c'est vraiment définitif. Genre, c'est vraiment sincère des deux côtés. Mais alors, ma chérie, si je comprends bien, vous ne vous êtes pas vus, vous vous êtes mis ensemble, vous vous êtes toujours pas vus, vous vous êtes quittés. De toute façon, vous ne vous voyez pas. Donc, oui, ça change rien. C'était la routine au bout d'un moment. La routine, vous ne voyez pas. Le quotidien. Mais c'était avant en fait. Mais genre maintenant, ça fait quoi? Ça fait un moment qu'on est ensemble et tout. Et là, franchement, j'ai envie d'aller voir, mais je stresse de ouf. Elle en avait marre qu'il laisse traîner ses i-chaussettes sur. Quand tu un emoji. Ma chérie, t'as pas envie que lui, ce soit le garçon, il descende sur Marseille? Ah, alors là, pas du tout. Parce que franchement, moi, j'aurais la pression des parents. Parce que vu que mes parents, ils sont pas d'accord pour que je sois en couple, donc c'est une relation, on va dire, cachée. Donc moi, je préfère me faire un genre de voyage chez lui et ne pas avoir cette pression-là plutôt que de rentrer vers. Prépare-toi, hein. Mais il n'est pas obligé de venir chez tes parents. Marseille-Rouen, ça va te faire un choc thermique. Oui, je sais ça, ouais. Mais si surtout, si tu vas chez lui, tu vas dormir chez lui? Chez son pote. Comment ça, chez son pote? Parce qu'il a un appart, son pote, il va nous laisser son appart en fait. Ah, donc vous avez jamais fait de sex cam, vous vous êtes jamais vu avant, mais le premier jour vous allez biser dans le même lit. C'est le ramadan. Franchement, je pense pas. Enfin, pour ma part, je ferai rien. Et Dieu, je sais très bien. Donc, j'ai imposé les limites et tout. Moi, je sais que je vais rien faire. C'est bien, c'est la sagesse. Tu sais quoi, ma chérie, c'est bien, c'est la sagesse. C'est ce qu'on appelle le ramadan de sagesse. Non, pas par rapport au ramadan, franchement, je compte pas le faire tant que je suis pas prête, vraiment. Il le sait très bien, il respecte ça. Non, mais ça, c'est. Mais ma chérie, que ce soit par respect pour ta religion, pour ton envie de faire l'amour ou pas, tout ça, c'est super. Mais c'est pas le problème, ouais. C'est que tu te doutes bien qu'un mec de 19 ans qui te fait monter de Marseille pour dormir chez son pote dans son lit. Il va pas, il imagine il des trucs. Il va tenter des trucs. Parce que lui, il ramdanise peut-être pas, tu ouais. vois. Puis lui, il a peut-être très envie de. Ah, oh, mais je vais pas venir toute seule, hein. Avec sa mère. Non mais avec des amis à Rouen. Comment tu vas réussir à décider des copines à toi d'aller de Marseille à Rouen sans but? Tu vas pas à Rouen. Non, j'organise. Non mais tu non ma chérie, tu trouveras aucune amie qui va t'accompagner à Rouen. Ça dépend, t'en sais rien. Pourquoi pas? Tu vas dire. Vas-y Pierre. On est à Marseille. Et si on partait ce week-end à Rouen pour? Non. Oui, non, mais. Ah ouais, mais il y a des. Pour l'accompagner, potes, machin, elle a peut-être des copines solidaires. Samy, c'est une très jolie ville, Rouen, bah, mais quand t'habites Marseille, tu vas pas à Rouen. Hein. Oui, mais tes copines, elles te suivent. Bah, oui, elles te suivent. Ah, vous rêvez ou quoi? Il y en a pour 180 euros de train. Ah, qui va te suivre pour aller à Rouen? Prenez une bagnole. Eh oui, 1500 bornes, 1200 bornes, on y va. Mais vous êtes pas. J'ai déjà trouvé. Un blablabla, parce que c'est long. On prend 12 à la suite. Et vous allez y aller comment? C'est Dis-lui que c'est le mec le plus mal habillé. Et vous allez y aller comment? On est en train. Bah écoute, je dis juste, à un moment donné, il faut qu'elle sache que le garçon, il a 2-3 idées en tête qui sont pas juste de regarder la télé. C'est tout ce que je dis. Oui, mais je suis pas aussi naïve que ça. Je sais très bien qu'il aura des idées en tête. Mais t'imagines, au bout d'un an et demi, il est. Et il se l'est mis sur l'oreille, là. Là, il a besoin d'avoir une relation. Là, tu y touches le genou. Ouais, il en manque, ça, mais, mais tu y touches le genou, il fait. Mais... Arrêtez de rêver, les filles, sur ces relations-là. Les mecs, quand vous êtes à 1200 km, ils ont d'autres trucs. Quand il vous fait monter. Ils attendent pas. Pardon, mais s'il te fait venir, c'est pour te sauter. Après. Je vais pas dire que moi, non mais vraiment, non mais franchement, après là, je suis pas prête parce que je suis là, mais peut-être quand je vais, je sais pas. En fait, ah oui, ça y est, elle est cool. Oui, quand il sortira de douche tout nu et qu'il fera, Non, bref, en fait, j'ai appelé pour vous demander parce que je stresse vraiment, vraiment, genre si je lui plais pas ou autre. Eh ben, tu veux que je te dise, je pense que si vous avez fait des FaceTime, il t'a déjà vu, il sait la tête que t'as, il sait à quoi tu ressembles, il n'y a pas de raison qu'il soit déçu. Maintenant, il y a un moment, si t'as mis 50 filtres à chaque fois que tu lui as envoyé une vidéo, bon, là, c'est toi qui cherches. Ouais, c'est clair. Il y en a des fois, elles mettent des filtres, quand tu les vois, tu fais, c'est marrant, t'es pas du tout la même que. Ah non, mais c'est incroyable. Et toi, ma chérie, il y a un moment donné, il faut que tu y ailles, tu peux pas rester dans une relation qui n'existe pas. Vas-y, fonce et tiens-moi au courant. D'accord? Et prends un gros bulle, tu vas à Rouen, tu vas en Normandie, prends un caouet. C'est le Nord. C'est le Nord. Je mettrai que 7 couches. Bisous ma chérie, je t'embrasse fort, j'espère que tout va bien, Malinda. À bientôt, bisous, restez là, passez-nous un coup de fil dans un instant. On redevient sérieux. Tribunal populaire. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. Ready? News. Justin Bieber, Selena Gomez, Beyoncé, Luan, Pharrell Williams, Maître Gims à Carcassonne, Rihanna en Norvège. Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar Énergie préférée. Les plus gros concerts de l'été en France sont des concerts. Énergie. Hit music only. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers Mythique. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Bonjour, vous êtes bien chez les artisans Michel et Fils. Nous sommes actuellement en train de repeindre la tour Eiffel. Merci de nous laisser un message. Tout devient possible quand on travaille avec Nouveau Citroën Jumpy. Pendant les jours pro du 16 au 25 juin, venez vite essayer Nouveau Citroën Jumpy avec 3 longueurs, porte coulissante main libre et 1m90 de hauteur à partir de 169 euros par mois. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 4760 euros offre jusqu'au 31 août non cumulable hors taxes réservé aux professionnels. Équipement selon version, détails sur citroencastorpro.fr. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser.

surprise pour vous. Hein. Ça va être un truc de fou. On vous dit pas tout, mais demain, on se fera un bon délire pour soutenir l'équipe de France. Ta-da-da. Est-ce que vous avez vu que ça y est, Kenji, il est avec... Non, c'est une rumeur. Ah bon, et une fille de La Belle et ses Princes, c'est ça? Ouais, ouais. Ils elle ont fait des photos. Oh, elle est jolie, je crois. Ouais, jolie. Bah, ça aurait été dommage qu'ils prennent un ton. Hein. Ouais, bah, c'est c'est peut-être Marine possible. Boudou. Ouais, mais je vois qui c'est. Ouais, elle était venue une fois dans le studio. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Bon, et puis alors, il y a les femmes de footballeurs, vous avez vu maintenant, hein, ils ont fait des photos des femmes de joueurs. Ouais. C'est pas mal quand même, non? Les mecs, ils se mettent bien. Il n'y a que des meufs canons. Eh, footballeur, t'es con comme un manche à balai, mais ta femme, elle est belle. Hein. Ah, oui. Mais elles sont aussi. Peut-être pas beaucoup plus intelligentes. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu sais qu'il va y avoir des conversations entre les deux. Ah ouais. Ça va? Ah, pas tous. J'ai acheté le dernier Prada, mon chéri. C'est bien. Ça va être sympa. Hein. C'est qui, ça, c'est Kimberly Crew. Je sais pas qui c'est. Oh là là, Anna Ledankowski. T'as les footballeurs. Ouais, la femme d'un Polonais. Ouais. Un mec qui s'appelle Kciovac, là, un Polonais. Regarde-moi la bombe atomique. Elle est dingue. Allez, ils ont que des bombes atomiques. Allez, Robbie Keane. Ouais. Keane, joueur d'Irlande. Allez, ouais. Regarde-moi sa meuf. Allez, on y va. Ouais. Bekim Balage. Albanie. Allez, tête de pute. Canon. Valon Berami, Suisse. Ouais. Elles sont belles. Toutes des têtes de pute, pardon. Bah, arrête, elles sont jolies. Les gars, arrêtez vos conneries. Oh, oh. Je vous mettrai un tarif en dessous, je vous mettrai 200 euros. Vous rigolez ou quoi? Elles ont toutes des têtes de femmes de footballeurs. Pas cher, le Mimi. Ton avis, Jérém? Je suis un peu d'accord. Enfin, dès que tu es un mec, tu regardes ça, c'est des. Vous rigolez, ça sert à michetonneuse à plein nez. De toute façon, les femmes de footballeurs, oui, ça michetonne à fond. Ah, bah, c'est clair. Elles sont pas nouveau. Par ça, pour le coup. Si, par exemple, la femme d'Olivier Giroud, excusez-moi, je la trouve jolie. C'est la brune là. Ouais. Et bah elle est jolie, excusez-moi. Ah, j'espère que c'est pas celle d'à côté. Excusez-moi, la femme d'Olivier Giroud, elle est jolie. Comment elle s'appelle? Jennifer Giroud. Et bah elle est jolie. Elle fait pas tête de pute des pays. Ouais, c'est naturel. Voilà, Thomas Müller en Allemagne, bah pareil, regardez, sa femme, elle fait naturelle. Ouais, c'est vrai. Et c'est une jolie nana, mais naturelle. Il y en a plein. Ça sent pas la télé-réalité, quoi. Oh là là là là, regarde-moi ça. La femme de Chisdisnik, un Polonais. Toutes les femmes de joueurs de foot polonais, tu mets un tarif en dessous, t'as l'impression qu'elles sont arrivées pour la soirée. Elles sont un peu comme ça, c'est le look. C'est le look pute. Elles sont à poil, quoi. Elles sont pas toutes comme ça non plus. Bon, allez. Enfin, en tout cas, quand on voit ce qu'ils ont et qu'on voit ce qu'on a. Il vaut mieux de faire du sport. Il vaut mieux de se mettre au foot. Je vais peut-être me mettre au foot et arrêter la radio. Regardez, la femme de Turan, là, un joueur turc. Comment elle est belle. Ah ouais. C'est bon, elle est très jolie. Ouais. Elle est jolie, elle fait classe, elle fait mannequin. C'est vrai, et quand tu vois la tête pour le coup des gars, des fois. Et pire, c'est quand Ribéry il voit ça. Ah oui, c'est clair. Il y est pas, ouais. Quand Ribéry il voit les femmes des autres, il voit la sienne, fais la gueule. Dans un instant, tribunal populaire, d'accord? Ce sera quelqu'un de l'équipe qui a fait des erreurs. Dans un instant aussi, il y aura le hisson cool ou pas. Et dans un instant, après Justin Timberlake, qu'est-ce qu'on écoutera, Jérémy, après? On écoutera Julien Perret. Et ça va zougouler. Le clip, là, il arrive d'un moment à l'autre. Ça y est, c'est bon. On va vous le lancer, ce clip. Enfin, vous allez me dire, oui, bah, c'est du boulot. Excusez-moi, il y a la NASA qui bosse dessus. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. C'est complet au feu de la rampe. Il y en a plein qui disent j'ai plus de place. Fallait vous y prendre avant aussi. Mois de février, on revient pour deux représentations à la Cigale à Paris du nouveau spectacle. Et puis le 1er juillet, je vous ramènerai des copains pour le 1er juillet. À Saint-Quentin, c'est le lancement de la tournée officielle. Je vous ramènerai des copains chanteurs. On fera un truc, on fera des surprises à la fin du One Man. Je vous ramènerai des trucs. C'est top ça. Ouais. Picardie, donc 1er juillet, rendez-vous à Saint-Quentin au Splendide pour le One Man et vous allez kiffer ce moment. Julian Peretta vient dans quelques jours. C'est vendredi, non? Oui. Il s'appelle le nouveau Peretta, c'est lequel? Il s'appelle I Try, c'est celui-là. Ah oui, il est bien celui-là. Il est bien, hein? Les Little Mix dans quelques jours. Qu'est-ce que t'en penses, Ritza, des Little Mix? Je m'en fous. Ok, il y aura Slimane. T'en penses quoi? Je m'en fous. Ok, Bob Sinclair aussi sera là. Jennifer sera notre invitée. Je te demande pas ce que t'en penses, Ritza. Je m'en fous. Ok. Tribunal populaire. Oh là, une cadence dans cette émission, une cadence. Bon, on sait de quoi ça va parler déjà. Ouais. Fred, tu peux venir s'il te plaît? Fred, c'est chez nous le champion de la technique. Dès que c'est vous vrai. Entendez un chanteur qui a un bon son, qui s'entend bien, qui dit oh thank you, c'est lui qui fait le son. C'est vrai. Ça va mon Fred? Bon, je crois que. Non, c'est le sauveur pour le coup lui. T'es notre sauveur. Eh oui, c'était mon devoir. Non. Allez. Je vais être honnête parce que le tribunal populaire, autant c'est pour dire quand c'est moche, mais quand c'est bien, ce mec c'est la nuit des héros. Hier, les micros sont tombés en panne les uns après les autres. Les casques aussi. Tout. On n'entendait plus rien. Et bah, il était là, il est allé à côté, il est revenu, il a changé les machines. C'était quoi le problème? L'alimentation 48 volts qui est tombée sur la fameuse. Oui, parce que Jean-Paul n'est pas en 220 volts, si énergie on est en 48 volts, c'est moins cher. Mais du coup, il va falloir trouver un coupable quand même. Eh bien, puisque tu ne vas pas subir de sentence. On va la distribuer. Alors on cherchait un objet de technologique dégueu, c'est ça. Rien de plus dégueu aujourd'hui en 2016 qu'un téléphone portable qui a autant de batterie qu'une cuvette de chiottes. C'est pire, c'est 70 fois plus. C'est dégueulasse. Ouais. Et c'est toi, ce soir, qui choisis. Qui va choisir qui dans cette équipe entre Julie, Pietre, c'est ça hein. Ouais. Guéguette, toi. Moi, Jérém, Loris. Mérite de 1 à 5 léchages de téléphone portable, sachant que c'est rempli de bactéries. C'est comme si. Pire que si on allait lécher les toilettes, hein, parce que c'est jamais nettoyé à l'eau de Javel un téléphone portable. Il n'y a pas de canard portable. Non, c'est vrai. C'est vrai. T'as du canard WC, il n'y a pas de petite languette que tu mets en haut de ton truc. Eh bien, alors, je te laisse. En fonction de gens qui ont maltraité le studio, que je sais pas, à chaque fois. Ça va être vite alors. Ça va être vite fait. Hein. Cette phrase. Non, c'est pas moi. Ça fait combien de temps que j'ai pas tapé sur un ordinateur? Non, mais. Ah non, pas toi. Ah bon, parce que moi j'ai fait au début, mais je me suis beaucoup calmé. Vas-y, je te laisse dire. Julie, par exemple, fais le tour. Moi, ça va. Non, ça va. Okay. Ça va. Piet, il t'a pété 1000 pieds de micro. Le dernier micro qui marchait hier, c'était le mien, parce que je prends soin de mon micro. Combien de fois il a cassé son micro? J'ai envie de couper la poire en deux. Ah ouais? Je dirais bien Jérémy, parce que c'était lui qui est responsable quand même. La console. Mais t'es un bâtard. C'est lui qui a laissé sa console à Coé. C'est vrai. T'as quitté ton poste. T'as assuré que la console marchait. C'est à Coco. Ça, c'est le mail qui est parti ce matin. Mec. Ah mais Ménec, non. Et attends, il me regarde depuis tout à l'heure. J'ai envie de dire Julien parce qu'elle peut être annexée. Bravo. Et quel téléphone portable en bois. Le type nique le studio tous les jours et tu dis rien. Et vendredi, j'ai une nouvelle platine au fait pour toi. Qu'est-ce que t'es gentil, mon poteau. Je les ai serrés un peu avant. Allez, sortez pile vendredi ou un peu avant. Ouais, ils arriveront pour vendredi. Je les ai serrés un peu avant. Pas de problème. Merci. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est portable, il est bien. Tu vas lécher le portable, Julie va lécher le portable, mais nous allons changer les portables. C'est-à-dire que Julie va lécher celui de Jérém. Il y en a tous les nôtres. Mais arrêtez, vous allez aux chiottes, vous vous lavez jamais les mains. Bien sûr que si. Mais qu'est-ce que j'en ai fait du mien? Mais... Il est où le tien, Pietre? Ah oui, merde, c'est vrai. Je le range là. Ah, dans le caleçon. Attends. Attends, Pietre, ne bouge pas. Ah, mais moi je l'avais rangé à l'intérieur de moi. Non, je suis pas ça, non. Julie. Jérémy, dis quelque chose. On va faire ça. Je l'ai mis dans tes fesses. Je vais pas le. Non, allez, non, pas 5. Il a pas dit combien. Il a pas dit combien. 2 et 2. Eh, Julie, est du. De haut en bas. Ça allez, ça. Julie, elle a Guéguette et moi. Et c'est des iPhone 6 en plus. Pour j'ai les pires, moi, Jérémy. Mec. Ah, mais mec, tu l'as mis dans ton cul. On va prendre celui de Loris. Il se tape jamais les mains. Celui de Loris. Voilà. Arrête, tu fais semblant. Celui de Loris, c'est qui? Parce qu'il en a deux. Alors, aussi. Alors, Julie, hein. T'en fais deux. Bah, allez, oui, moi j'en ai deux. Grosse léchouille, hein. Oh là, grosse langue. Ça me dégoûte. Hein. Allez. Et Ticole, il y a 70 fois plus de bactéries sur une cuvette de chien. Allez. Je vais vomir. Eh, Steph, ça aurait été marrant. Tu as mangé dans la même assiette que tout le monde. C'était marrant. Tous les résidus fécaux. Allez. Allez, un goût de langue, je regarde. Ah non, tu fous de ma gueule ou quoi? Non, je veux une grosse langue, non. Je veux une grosse langue, comme une langue de vache, tu sais, qui lèche comme ça. Et moi, il reste un poil. Ça. Allez, Julie. Je suis dégoûté pour mon écran, moi. Ça est pas mal. Jérém va te montrer. Allez, on y va, de haut en bas. Hein. C'est celui de Loris. Ah, putain, crache. C'est dégueulasse. Putain. Allez, celui de Loris. Allez, on y va. Eh, grosse langue à papa. Merci, hein, Julie, le mien. C'est Julie, allez. Ah, un petit peu. Allez, celui de Pietre. Allez, là, il y a des poils. Arrêtez, c'est dégueulasse. Elle l'a bien lavé, Julie, le mien. C'est dégoûtant. Allez, Julie, grosse langue, excitante. Langue excitante. Fais-moi une langue de film porno des années 80. Ah, t'as un message de. Bah, réponds avec ta langue. Allez. Je peux pas vous rater. Je t'aurais pas fait. Merci beaucoup, encore merci pour hier. Jérém, il en a fait qu'un. Non, il est celui de Bérénice. C'est une crapée, t'es malade ou quoi? Et si, juste pour terminer, ouais, pour et le, si pour Stouf le venait lécher celui de Pietre? Pietre, donne-moi le tien. Viens. Stouf, elle a rien fait. Elle a rien fait, mais ce sera un truc d'avance. C'est ça, on a un crédit. Jérémy, il en a fait qu'un encore. Oui, sont, bah, il le donne à Stouf. Il s'en sort, Regarde, il y a les traces de langue. Regarde. Ah. Allez, c'est bon, cherche pas. Je l'ai léché avant, Stouf. Allez, toute la longueur. Tu l'as léché avant, ouais. Plus. Moi, je t'ai dit parce que j'ai léché avant non plus. Non, mais ça va aller. Hein. Ah bon? Ah, c'était une vanne. Ah, ça va, les gars. Allez. Je me suis touché. Je peux pas. Elle va vomir dessus. Bactéries. Bravo, mec. Elle a survécu. Je suis fier de toi. Bienvenue sur Énergie, tout le monde. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Coé. Il y a toute l'équipe qui est là. Il y aura Julian Peretta qui sera notre invité vendredi. Walking on Cars, c'est tout à l'heure. Et vous tous, 0870-42-48, coé@énergie.com pour parler, dire ce que vous avez envie de dire. Passez-nous un coup de fil, c'est plus tranquille. 0870-42-48 et c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on écoute? Julian Peretta, super chouette. Et Justin Peretta. Voilà, c'est ça. So hard to think about what we could have been, where love could have taken us, blame it on the wind and cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. get so emotional. Come, we make a truce. Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. De famille bruyante que tu voudrais pas avoir comme voisin. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est là. Savez-vous. Merci. Savez-vous ce qu'est la phallomancie? La phallomancie, est-ce qu'il y en a qui ont décidé dans le public? Allez-y, vous pouvez. Allez, on y va. Est-ce c'est que pas ça, ça le jeu du public. Avec le phallus. Oui, c'est ce que dire. Oui, absolument, ah, Julie. Bah, y a évidemment, ah. Laissez tomber, Julie, ça parle de bite, ça y est, c'est trop tard. Sur les phallus. Non. C'est un phallus qui dit bonjour à un autre phallus. Un phallus, c'est un sexe d'homme pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Phallomancie. La phallomancie. Pensez à cartomancie. Quand on lit dans les cartes. Ah, on lit c'est dans les voilà. Tubs. Ouais. Eh bien, oui. Non. La phallomancie, c'est lire l'avenir mais dans les non. pénis. D'après la phallomancie, un homme possédant un gros pénis sera pauvre et n'aura pas d'enfant. Celui qui a un pénis court, droit et tendineux aura de fortes tendances à devenir riche, tout comme celui qui a un gland peu développé. Au repos, s'il va lentement mais sûrement vers la gauche, vous connaîtrez la misère durant toute votre vie. Mais non. Mais ça a l'air super fiable. Hein. Ouais. Au repos. Hein. Mais il va à gauche. Ah oui, ça a l'air fiable. Oui, ah ouais, attends. Nous, on est à fond. C'est ouf, ça. Alors, t'es lequel? Ah, mais moi, une fois, il y a une personne qui a essayé de lire sur mon pénis, c'est pas possible. Quoi? Pourquoi? Non, non, non, tellement grand. Ah, elle ah, a dû le lire en une semaine. Elle a fait un chapitre par soir. Elle s'endormait devant. Et non, c'était horrible, horrible. Non, chez moi on peut pas lire dessus. Il faut être à plusieurs. Sinon ça marche pas. Mais sans déconner, t'es lequel? Mais je suis aucun de tout ça, moi. Je suis ni un petit. Vous avez vu les temps? Vous avez vu les trucs ou pas? Oui. Gros pénis. Bon, je suis désolé, j'en ai pas un gros. Donc voilà. Pénis court, droit et tendineux. Ça fait pas rêver. Ah, non. Moi j'en ai pas un comme ça, gland peu développé, excusez-moi, mais ça fait moche. C'est bizarre ouais. Ça. Voilà, et celui qui a un petit zizi au repos qui part vers la gauche, vous connaissez beaucoup de gens qui ont un zizi au repos qui part vers la gauche. Je connais pas trop les zizi de mes potes dans l'autre côté. Oh, arrête, il m'a dit hier que t'en avais fait fumer. Il y a vraiment des nanas qui prennent les zizi des gars pour. En premier degré, je vous rappelle, Julie, ça sert à rien de faire la choquer, qu'il y a 3 ans on a fait venir une dame qui lisait dans les testicules. Oui, c'est vrai. Mais elle me l'avait fait d'ailleurs. Elle l'avait fait à piètre. Oui, mais ça reste dans les. Elle avait vu ton avenir ou pas? Elle est dans les boules. Mais je crois qu'elle était à moitié actrice porno. Oh. N'importe mais non, mais elle quoi. Était vieille. Elle était chelou. Ouais, elle était chelou. Alors, en même temps, elle a pas dit qu'elle ferait plaisir. Elle lisait dans les coucougnettes. Ouais, je sais même plus. Elle t'avait dit quoi, ouais. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Honnêtement, je m'en souviens plus. Mais je l'ai niqué par contre. Ah, vache. Ah, t'avais bien du courage, mon pote. Reste avec nous dans un instant. On aura Maddy qui sera là en ligne avec nous. Ça va, Maddy? Ouais, ça va, Coco? Ouais, ça va bien, mon gars. T'es en forme? Ouais, bon, un petit peu fatigué avec les révisions, mais ça va. Eh, révision de quoi? Révision de quoi? Bah, le bac demain, en scène. Et ce sera quoi demain? Philo? Non, du tout, moi je fais pas de philo. Demain j'attaque avec le français.

câlin à Flelou. Ça y est, c'est parti l'été fou. Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est à Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Unreal, votre série inédite, ce soir à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Ce soir à 20h55 sur Énergie 12. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés, ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Voir modalité sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides? Quoi? J'ai des rides, moi, maintenant! Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Cet été, rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Demain, on va essayer de faire une chanson pour que l'équipe gagne. Ouais. Demain, ça va être bon. Slimane, dans quelques jours. Amir, Tal, Ritza seront nos invités. Black M, Jennifer pour son grand retour. Oui, Julie. Et demain soir, on a notre sexologue Gilbert Boujaoudé. Ouais, enfin, on va se dire les choses. Demain soir, on sera entre gens qui n'aiment pas du tout le football. Non, parce qu'on a avancé. On a qu'une mi-temps. Le sexologue. On a qu'une mi-temps. Le sexologue sera là de 20h à 21h. Comme ça, on est là pour le match au moins une heure. Demain, kékette et foot. Ça vous va ou pas? C'est pas mal. D'accord. Okay. Bah oui, comme ça on parlera sexe et tout. Julie, en parlant de kékette et foot, ça s'est passé comment Bérénice hier cette soirée où on t'a laissé avec un charmant garçon? Non, mais il se passe rien du tout, il y a rien eu. Mais elle sextote depuis tout à l'heure, je sais pas avec qui. Je me demande si c'est pas le dossier hier soir. Je sextote pas, je textote. Non, tu sextotes, tu mouilles tes lèvres. Elle fait des sourires et tout, je sais pas. Elle était gênée parce que en fait hier elle est venue avec sa proie parce qu'elle est sortie d'énergie, le mec l'attendait, elle s'est fait griller par Loris et là ça a été bon, bah je vous rejoins. Non mais niquez pas le plan, c'est un pote à moi en plus, alors non? Mais non, mais y a rien, franchement arrêtez de voir le mal partout. Mais y a rien, franchement non, y a rien du tout. Il a des belles voitures. Ça fait pas tout. Excuse-moi, ça relève le niveau, un mec qui a une belle bagnole. Hein. Bah non. Franchement, sur un Côte d'Azur, tu sors pas avec un mec pour sa voiture. Bah sur un Côte d'Azur, si. Oui, c'est vrai. Mais il y a une belle bite aussi. Hein. Ah ouais? Non, écoute, je te le laisse. Hein. Toi, faut que t'arrêtes avec la bite de tes potes. Je te jure, il y a un moment donné, Pierre, il va falloir qu'on se parle. Ça fait 3 fois que t'en parles du zizi de tes potes. Je le vends un peu là. Non, mais depuis tout à l'heure, on voit des SMS avec des sourires et tout. Bon, on m'a dit, on parlait tricherie, on va en parler dans un instant, mon gars, parce que t'as souvent triché pendant toute l'année, mais tu vas essayer d'éviter au bac. C'est ça? Exactement, c'est ça. C'est pas tu vas essayer d'éviter. Tu en vas fait, éviter. Je vais éviter. Parce que n'oublie pas une chose. C'est le Zougoulou. Qui est la vie. Qui est la vie. Koé, 19h, 22h. Sur Énergie. On est là. Oh, yé papa, Ridouane Bougueraba. Yé maman, Tony Saint-Laurent. Yé bébé, c'est Koé. Ce son, c'est pour tous les chanteurs disparus des tubes de l'été. Tragédie. Colonel Réal. La Rousseau, tu m'oublieras. On l'a oublié dès le premier refrain. Direct. Bougez les fesses de droite à gauche. Sur du Zougoulou, Zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zougoulou, Zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du Zougoulou, Zougoulou. Fatoumata et Tamaté, est-ce que tu m'entends? Et bougez les fesses de droite à gauche. Sur du Zougoulou, Zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zougoulou, Zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du Zougoulou, Zougoulou. zéro. Mets-moi un mojito. C'est 25€. Mets-moi une Antalo. C'est 24,90€. On va aller boire l'eau du robinet. One get a one get a wow. Bouger les fesses de droite à gauche. Sougoulou, sougoulou, sougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas sougoulou, sougoulou, mytho. T'as rien dans les poches. T'as du sougoulou, sougoulou, dance. Soca dance. Tu t'es mis au régime en dansant la zumba. T'as fini au camping à manger de la pizza. Je vais pourrir ton été. Diffusé que Cyril Hanouna. Mais t'es un fou, il a mon numéro. Mais vous êtes des malades. Bouger les fesses de droite à gauche. Sourdou, sourdou, sourdou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas sourdou, sourdou, mytho. T'as rien dans les poches. T'as du sourdou, sourdou. Sous le soleil des tropiques. Vas-y, Francky, c'est bon. Tous les revers, danse des épaules. Tous les renois, danse des fessiers. Tous les coutures, danse des kebabs. Tous les chinois, Gangnam Style. Tous les roumains, danse de la main. Tous les nains, danse sous la table. Tous les hindous, danse de la rose. Et Koué, on connaît tes techniques en soirée pour les... Tu avances vers la petite, tu attrapes la petite. Hey, Koué la petite, Koué la petite. Koué la petite, Koué la petite. Koué, Koué, Koué la petite. Koué, Koué, Koué la petite. Koué la petite, Koué la petite. Koué la petite, Koué la petite. Non mais lâche-la la petite. Bouger les fesses de droite à gauche. Sougoulou, sougoulou. T'attrapes que des moches. Tu vas sougoulou, sougoulou, mytho. T'as rien dans les poches. T'as du sougoulou, sougoulou. Saka, Africa, on va tomber la chemise. Sougoulou à gauche, sougoulou à droite. Sougoulou à gauche, sougoulou à droite. Sougoulou en bas, sougoulou en haut. Sougoulou en bas, sougoulou en haut. À gauche, en bas, à droite. Sougoulou à gauche, à gauche, en bas, en bas. Sougoulou en haut, à droite, en bas, sougoulou en haut. Bouger les fesses de droite à gauche. C'est le zougoulou qui est la vie. Waouh, il est claqué ton type. Pietre, c'est un gamin de 14 ans dans un corps de vieux. Alors que le contraire, on appelle ça un curé. Koué, 19h, 22h, sur Énergie. Ce jingle, il est horrible. C'est il pas vrai, en plus, arrêtez, j'ai pas un corps de vieux. Allez, Maddy, comment ça va? Mais Maddy, c'est un prénom de fille, ça. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais non, du tout. Bah si, Mehdi, c'est un prénom de mec. Maddy, c'est un prénom de sa fille, Maddy. D'ailleurs, on me confond souvent avec Mehdi. On me l'a fait souvent. Mais pourquoi Maddy? C'est de quelle origine, Maddy? Bah, c'est marocain algérien. Mais c'est... Non, c'est tout à fait masculin. Oh, c'est marocain, je bête. Maddy, c'est un prénom de fille quand même. Vérifie, check. Je suis sûr que tes parents, ils se sont trompés. Maddy, orthographié M-A-H-D-I, c'est... Mais je te crois, c'est bon. Ça va, mon gars? Ça va, t'es en forme? Ouais, bah écoute, la fatigue, mais bon, on essaie de tenir, quoi. D'accord. C'est normal où les lumières, elles sont éteintes, là, dans le studio? Il y a une malédiction. Jean-Paul, ça va pas encore être de la faute de Fred, comme par hasard. Si Jean-Paul, il commence à couper les lumières, il fait « Bon, alors, je l'enlève, ça sert à rien. » Bon, alors, t'as beaucoup triché toute l'année? Ouais, exactement, pas mal. C'est même pas que toute l'année, c'est pendant toute ma scolarité même. C'est moche. C'est beau. On a tous triché. Bah oui. Je vais être honnête avec vous, je l'ai beaucoup fait aussi. Voilà, j'avais la technique. Moi, j'avais la technique du petit papier sous la règle. Ou celui qui fait sortir de la trousse. Ouais, mais c'était chiant à écrire trop petit. Ouais. Oui, mais l'avantage, c'est que quand t'écris tout petit, eh ben à la fin, tu le sais. C'est-à-dire que tu t'es fait chier à écrire ta note en tout petit avec ton... Moi, je prenais le côté effaceur de l'effaceur. Tu sais, t'as l'effaceur et le truc pour réécrire. Ouais. Et le truc pour réécrire, il est très fin. Ouais. Donc, tu pouvais écrire avec ça. Et en fait, le fait d'écrire, tu te rendais compte que tu le savais, quoi. Ouais, mais là, la prof qui passe derrière toi, qui retourne ta règle, t'es cramé mais direct. Mec, parce que tu crois que je voyais pas venir, la prof. Tu crois que quand t'as été derrière moi, je la voyais pas. Je mangeais le papier. J'avais mis une balise GPS à la prof. Je savais en temps réel où elle était. Contrôle inopiné. Comme ça, elle passe. Elle dit, tiens, je vais vérifier les règles. Mais parce que pas du tout. Mais j'avais une application, t'es où? Toujours où elle était, arrête. J'ai vu une technique de triche là sur Facebook il y a pas longtemps, mais un truc de malade, c'est tu sais quand t'as le droit à avoir une bouteille devant toi, ils refont l'étiquette genre de l'eau, mais à la place de tout ce qu'il y a, tu vois, dans ta canette, machin, genre ça là, tu vois. Et bah c'était court. Il y a des sites qui te le font quand même. Ouais, mais les amis, faites et pas du ça. Coup, t'es pas grillé du tout. Tu poses ta canette là, hop, et tu t'attends. T'es pas grillé, le mec il prend ta canette, t'es mort. Je suis désolé. Voilà, c'est comme pour la règle. C'est comme pour la règle. La meilleure des techniques pour tricher, c'est la feuille de brouillon. Moi aussi, tu sors, tu mets tout sur une feuille de brouillon, t'écris n'importe quoi. Oh merde, comment. On avait la même. T'en mets, mais ça marche pas au bac parce que c'est des feuilles spéciales. Mais oui, c'est comme ça, si elle vient te voir et qu'elle dit ouais, c'est quoi ça? Bah oui, c'est mon brouillon, qu'est-ce qu'il y a? Moi je faisais premier quart du truc, t'écris n'importe quoi sur une feuille. Voilà. Ouais, puis à un moment donné, tu sors l'autre, puis tu fais. Voilà. Et la technique, c'est de le faire super bruyamment. Voilà. Parce que si tu fais genre. Là, elle se dit qu'est-ce qu'il fait, alors que si tu fais. Et hop, tu jettes et t'as ta deuxième brouillon. Nana se dit, mais non, s'il triche, il le fait pas comme ça. Ah, pas. Plus c'est gros, plus ouais. Ça marche. Tu vois, faut faire du bruit. Au bac, ça marche pas parce que t'as des feuilles spéciales. Ouais. Moi, je faisais l'intérieur du papier de la gomme, tu sais, le papier qui entoure la gomme, tu le décolles et chut, du coup, ça te fait un papier. T'écris à l'intérieur, les amis, tu le replies. Bien, tout tricher. Ce qu'on est en train de vous dire là, ne le faites pas non, demain. Pas. Bah, pas, voilà, je vous le fais demain l'année, mais pas au bac. Comment tu vas faire, toi, alors, si t'as triché toute l'année au bac pour pas tricher? Bah écoute, bon, cette année ça va, je me suis un petit peu calmé, mais quand t'as pris l'habitude, bon, en plus de ta scolarité, c'est pas évident. Réviser tout bêtement, ça fait presque 2 semaines que je tourne à 8 heures par jour, donc ça vaut pas le coup pour moi de tricher quoi, ce stade-là. Bah voilà, bon, c'est bien. L'élève modèle, il un a été repenti. Oh, il a été en. C'est bien mon fils, tu as été en faute toute ta vie, tu te repens, tu iras au paradis, c'est bien. Exactement. Qu'est-ce qu'on risque? Alors attendez, on va parler sérieusement deux secondes. Qu'est-ce qu'on risque pour ceux qui nous écoutent qui auraient quand même envie de tricher au bac? Alors ils disent, selon les cas, un blâme, ça va, la privation de toute mention au diplôme et de nourriture pendant 6 ans. Et il y a obligation de faire les anges après ou pas? L'interdiction de participer à tout examen de l'éducation nationale pendant 5 ans au maximum. Ah ouais. Interdiction de s'inscrire dans un établissement public du supérieur. Oh, la violence. Interdiction définitive de passer tout examen de titre ou de diplôme délivré par un établissement public supérieur. Et en cas de fraude, tout ça, 9000 euros d'amende et ou 3 ans d'emprisonnement. Oui, bon, ça, c'est jamais arrivé. Et on te coupe la main et on séquestre tes parents et ton frère. Non, mais ça, c'est jamais arrivé. Mais ça veut dire que c'est comme quand vous trichez au permis de conduire, vous risquez des trucs. Tu peux tricher au permis de conduire. Mais non, mais quand vous conduisez illégalement sans permis, c'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord. Et justement, en parlant de ça, ça y est, c'est en vigueur là où tu vas pouvoir passer ton code à la poste. Ouais, c'est mais génial. Qui te surveille? Oui, je vais le faire. Ouais, si, on va qui faire te surveille ensemble, on a dit. On a dit qu'on y allait. Non, mais c'est ça le truc. Qui te surveille? Il y a un surveillant de la poste. Qui te surveille? Il suffit que t'as un pote à la poste. T'as un pote, le mec, il dit si c'est ton pote, voilà. Non, c'est pas des gens assermentés. Tu peux pas t'amuser à tricher, à sortir un bouquin. Mais c'est bien, moi, je vais le faire, passer mon code à la poste. Il faut que je le passe. T'as pas le temps de sortir un bouquin. Moi, je l'ai pas non plus, donc il faut qu'on le fasse. Ah, ça va être bien, on va kiffer. Non, parce que c'est en temps réel, le truc qui passe. T'as pas le temps d'ouvrir un bouquin, il a raison. Oui, ça va trop vite. Ouais, mais si tu viens avec un pote à côté qui t'aide. Mais non, c'est un truc d'examen, t'as pas le droit de venir avec ton pote à côté. Et les mecs qui te surveillent, c'est le mec de la poste. Bah oui, c'est de prendre un billet et puis je te dis les réponses. Bah voilà, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il connaît les réponses mais non, au mec mais de la poste? Peut-être qu'il se sera entraîné afin d'en faire tous les jours. Ouais. Mais non. Non, non, à mon avis, ils vont faire ça bien. Mais moi, oui, je vais le faire. Ça va être réglementé. Ouais, je vais le faire. Bon, Maddy, c'est super, mon pote. Il faut que tu nous passes le bac sans tricherie, sans rien du tout, d'accord? Bah écoute, je vais essayer. C'est pas tu vas essayer, c'est tu vas y arriver. Et tu vas l'avoir. Exactement, j'espère. Et je te fais un gros bisou, mon poteau. À bientôt. Ça marche, Coco. À bientôt. Ciao, porte-toi bien. J'espère que tout va bien. Ciao. Ah, bah voilà la femme du joueur de Croatie, là. De Rakivik. Bah, pareil. Bah oui. Ah, là, ouais. Eh, mais on est d'accord que toutes les femmes de footballeurs des pays de l'Est. Bah, c'est les pays de l'Est aussi. C'est les pays de l'Est, voilà. Oui, pardon, mademoiselle, il y en a une qui est choquée. Tu viens des pays de l'Est? Bah oui, en même temps, c'est ce que je dis. Bienvenue sur Énergie, j'espère que tout va bien. être de plus en plus nombreux à écouter Koé le soir. Premier sur Twitter, Facebook, YouTube et premier à la radio. Bim! Koé, 19h, 22h sur Énergie. Ouais. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Koé, il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Julie, il y a Pietre, il y a Guéguette qui fait le Facebook, il y a Jérémy qui réalise. Ça va Jérémy? Ça va bien. Il y aura Slimane dans quelques jours. Il y a les filles qui répondent au téléphone 0870 42 48. Passez-nous un coup de fil, il y aura Stouff, il y aura Bérénice. Qu'est-ce qu'il y a? Il est vénère Jérémy. Il y aura Slimane bientôt. Pourquoi il est vénère? Bah, on n'a pas ouvert, il n'est pas sur les photos. Ah, bon, il y a les chats portables. Est-ce qu'il va être sur le poster l'année prochaine? Bien sûr que non. Bah, tu prends moins de place maintenant, ça va? Ah ouais, maintenant, oui, tu peux. Oui, bien sûr. On prend tous les deux moins de place. Hein. Oui. On peut accueillir des gens supplémentaires. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Attention, voici le Hisson Cool ou pas. Ah. Vous savez que le Hisson Cool ou pas, on prend des gens de société qui ont des noms de société qui ont des noms très cool. Très cool qu'on a envie d'aller chez eux. Aujourd'hui, nous avons trouvé Toutous Cool. Toutous Cool, c'est un truc de dressage d'animaux. Bienvenue chez Toutous Cool. Forcément, quand tu t'appelles Toutous Cool, c'est censé être cool. Oui, ouais. Je vous préviens, je vais être un gros confiné. Hein. C'est pour voir juste s'ils sont sympas ou pas. Je suis désolé pour ce qui va arriver. On y va. C'est bien ça. Je prends des sons de chien. Hein. Bien sûr. Allez. Allez, gros con numéro 1, on y va. C'est parti. C'est bien, ça répond bien. Toutous Cool, bonjour. Allô? Ouais, c'est Toutous Cool là? Oui. Ouais, bonjour madame, j'appelle pour mon chien là. Pardon? Je dis, oh là là, n'entendez rien. Vous m'entendez ou pas? Oui. Je disais, j'appelle pour mon chien. Oui. Il est con, je sais pas ce que vous pouvez faire pour lui, mais alors il est con, j'en peux plus. Hein. Vous avez quoi comme chien, monsieur? Je sais pas, c'est un truc que ma femme m'a laissé. Là, je sais pas ce que c'est, un terrier, un truc. Un quoi? C'est un dog allemand, un dérivé de dog allemand, je sais pas quoi. Un dog allemand? Ouais. J'ai d'autres chiens aussi, j'ai des trucs comme ça. Voilà. Mais celui-là, vraiment, il est con que j'en peux plus. Il est con. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, que vous me le dressiez, que vous fassiez quelque chose pour lui, quoi. Il a quel âge? Il a. Oh! Gueule! Excusez-moi. Je sais pas, je supporte pas les animaux. Il a 3 ans, je crois. Ah, c'est ma femme qui a. Et quand vous dites que vous ne le supportez plus. Oui, c'est ma femme qui avait insisté pour en avoir un dog allemand. Vous avez vu le morceau, j'en supporte pas. Oui. Ça sert à rien pour moi, les chiens. Je vous le dis tout de suite, à rien. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais bon, moi, je. Vous avez connu Toutous Cool comment, monsieur? On m'a dit, vas-y, appelle-les et tout. Mais je ne suis pas. De toute façon, si vous voulez, Attendez, quittez pas. Allez, ta gueule, toi. Ta gueule! Ferme ta gueule! Nous? Pas vous, hein. Parlez aux chiens. J'espère. Ouais. Ta gueule! Nous, de toute façon, ce qu'on propose, c'est déjà au moins de fixer un premier rendez-vous avec monsieur Devigne pour qu'il puisse voir votre chien. Ouais. Et voir ce qu'il est possible de faire. Ouais. Donc, c'est un rendez-vous qui dure une heure. Mais tu vas fermer ta gueule. Mais tu es. Oh! Excusez-moi. Je sais pas comment vous faites pour supporter ça toute la journée, mais moi, je supporte plus. Ça change rien. Mais je l'ai pas frappé. Ça va, c'est son cul qui a tapé ma botte. Je l'ai pas frappé. Voilà. Ah, excusez-moi. Je sais pas comment vous faites pour tenir, mais vraiment, je sais pas. Hein, vous tenez, vous? Et pourquoi vous le donnez pas si vous le supportez Non. Pas ça. Non. Bon, quand est-ce que je peux vous amener, mon connard de clébard? Alors, je vous disais, on va rester calme, je pense, parce que sinon... Je suis très calme. Moi, par contre, j'espère que vous n'avez pas la même odeur que... Hein? Donc, c'est sur rendez-vous, ça dure une heure, et le montant est de 80 euros. Ouais, vous m'avez coupé la parole. Pardon? Non, je dis, c'est bien de dresser les chiens, mais il faut savoir respecter les humains. Vous m'avez coupé la parole. Je vous coupe pas la parole, monsieur. Je vous explique comment ça se passe. En tout cas, j'espère que vous ne sentez pas aussi mauvais que vos clébards, sinon je me casse, je vous le dis direct. Direct. Bon, je pense que vous allez aller ailleurs, monsieur. Pourquoi? Et qu'on va pas Pourquoi se rencontrer. Vous cherchez un autre dresseur. Dis donc, Toutous Cool, vous êtes pas cool? Je crois que c'était cool, Toutous Cool. Vous êtes pas cool, là? Allô? Oui. Vous êtes pas très cool, Toutous Cool. Non, mais enfin, la façon dont vous parlez, monsieur, je pense qu'il y a un minimum de respect. Mais j'ai du respect, voilà, je vous respecte. Voilà. Bon, combien pour faire dresser mon chien? Non, monsieur, je Quoi, pense non que quand on part sur ces vous m'avez dit 80 euros, maintenant c'est long. 80 euros, c'est ça? Je vous expliquais que nous, on fixe un premier rendez-vous pour faire une évaluation. Ouais, mais j'ai compris, ça sert à rien de me parler lentement. Je Et que le débit. Premier rendez-vous, c'est 80 euros. Et après, selon le comportement du chien, on vous donnera les tarifs en conséquence. Moi, à ce prix-là, je vous le laisse. 80 euros. Je ne penserai même pas ça pour ma femme. 80 euros. Fortune, quand même, hein. À ce prix-là, je vous le laisse, parce que vous me le rachetez à 80 euros, non? C'est moi qui paye 80 euros? Bon, je pense qu'on va écouter la conversation, monsieur, et qu'il vaut mieux appeler quelqu'un d'autre. Écoutez, madame, commencez par vous éduquer vous-même, parce que j'ai l'impression que là, vous... Moi, je serais de vous, je me dresserais moi-même, parce qu'il y a un moment donné, vous n'êtes pas correct au téléphone. Vous n'êtes pas correct, j'ai été correct depuis le début, moi. Depuis le début. Sérieusement, avez-vous quelque chose à me reprocher? Ferme ta gueule, toi! Oui, pardon. Avez-vous... Attendez, on peut pas. Enfin, je sais pas comment vous fonctionnez avec votre chien, monsieur. Moi, je vous ai expliqué. Ferme ta gueule ! Je parlais plus à mon chien, je parle à vous. Qu'est-ce que vous dites ? Ah bah non, mais t'as pas vu ! Trop loin ! Appelle-la vite ! On la rappelle ou pas ? Ah bah oui, vraiment passé pour un salaud, hein, franchement. Oui, mais c'est sympa. Ah là là. On va l'applaudir dès le début quand même. Là, à mon avis, elle n'ose plus décrocher. Elle décroche, ouais. Elle dit c'est le connard. Avec son dog allemand. Ah là, il y a des chances qu'elle décroche plus. Ouais. Je pense que Toutou School va fermer. Il n'existe plus. Oh mince. Oh non. Bonjour et bienvenue chez Toutou School. On va essayer. Ouais, allez, on va essayer avec un supporter refuge. Attends, je parle moi. Mais non, c'est rien, t'entendras pas, c'est mon téléphone. Toutou School, bonjour. Madame Toutou School. Oui. Je voudrais que le public vous applaudisse fort. Applaudissez-la. Vous entendez le public ou pas? Est-ce que vous entendez le public, madame Toutou School? Allô? Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous entendez le public vous applaudir? Non? Vous n'avez pas entendu le public? Elle sait pas. Ouais, dis-lui, elle est perdue. Je m'appelle Coé, le gros con que vous avez eu en ligne il y a deux minutes, c'était moi. Ah oh, putain. C'était une blague. C'était vous rigoler. Et pourquoi? Attendez, quittez pas. D'accord. Et pourquoi, d'accord. Attendez. J'ai eu un et pourquoi ça tombe sur moi? Mais parce que je trouvais que vous aviez un nom sympa, Toutou School, on s'était dit c'est sympa. Et ben vous êtes cool parce que vous avez quand même été face à un très gros con. Hein. Elle a fini par raccrocher. Elle a fini par raccrocher, ouais, mais moi j'aurais raccroché t'as avant. T'as été loin. Oh, j'ai pas été loin. Mais moi je suis correct. Vous avez vu, j'ai tenu quand même un moment. Mais, hein. mais ce personnage était très correct aussi. C'est pas... Ça, ça vous a pas plu celui-là. Oh, non, il vous a pas plu. Non. Allez, applaudissez-la encore très fort. Je vous fais un gros bisou. A bientôt, Toutou School. On vous embrasse. Vous êtes où? Dans quel coin de France? Vous êtes en région parisienne? Oui, en Seine-et-Marne. Eh ben, on vous fait un gros bisou, d'accord? Et faites une caresse au Toutou pour nous. Merci, au revoir. A bientôt. Voici celui qui sera notre invité dans quelques jours. Voici Amir sur Énergie. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la

drop a sweat, my love. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your life. I just wanna be close to you. Baby girl, I just wanna. And do all the things you want me to. I just wanna be close to you. I just wanna. And show you the way I feel. You made my love go. Me want figure 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby, full time when you're there on me mind. So me want you forgive it to me, baby girl, so we can play. Stick to the thing now, I am your king, my girl, just listen what me say. I just wanna be close to you. Just wanna. And do all the things you want me to. I just wanna be close to you. Girl, I just wanna. And show you the way I feel. You made my love go. Ah bon? Qu'est-ce que c'était bien les super jeux de ces derniers jours, mais qu'est-ce que c'était bien. Ça a hurlé, celui d'hier, ça criait, c'était que des trucs qu'on kiffait nous. On a aimé ce moment. Le prochain super jeu, il s'appelle Loïc, il a 16 ans, il habite à Châtel-Guyon dans le 6-3. C'est quoi? C'est Clermont-Ferrand, 6-3. 6-3, c'est la Champions League. C'est quoi? Ouais, c'est Clermont. Ah, ouais. C'est Clermont-Ferrand? Oui, oui, c'est ça. On a du mal à. Il est en duplex, il est en duplex. Bah, c'est Volcan, c'est. Alors, ah, ouais, c'est ouais, ouais, salut Coé, non mais excuse. C'est à toi qu'on parle. Oui, bah, bonjour à tous déjà. Oui, Clermont-Ferrand Télécom, bonjour. Ça va mon gars, t'es en forme? Bah, nickel, et toi, Coco? Ça va bien. Comment s'est passée cette journée? T'es en vacances ou pas encore? À vacances, il y a le bac français le vendredi par contre. Oh là là, hé, courage. Ça va aller, ouais, je te le dis. Si tu as un problème, tu cites ce célèbre penseur qui s'appelle Coé, qui disait que la connerie des uns ne nous empêche pas de rigoler des ne me souviens plus exactement. Non, bon, bah, je mettrai ça dans la disserte alors. Des autres. Que la connerie des autres ne nous empêche pas de rigoler des nôtres. Non, la connerie des uns ne nous empêche pas de rigoler des nôtres. Non, vaut mieux avouer. Ah, c'est horrible de ne pas se souvenir de ces trucs. Bon, Loïc, qui va piéger ton père, qui s'appelle Jeff, qui a 69 ans. Ouais, c'est ça, bientôt 70, c'est 18 juin là. Dis donc, il t'a eu à la fin, papa, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a oublié de faire des enfants? Non, mais il y a 16 ans, ouais. Ton père, il t'a eu, il avait 53 ans? Ouais, c'est ouais, ça. Les c'est derniers spermatozoïdes, hein. Ouais, ils étaient là. Mais quel âge elle avait, maman? Là, elle a 45. Ah, ça sent le remariage. Ouais, c'est ça. Ça sent le mec qui s'est mis avec une petite jeunette et qui a été obligé de passer. Et qui à un moment lui a dit: je te préviens, moi j'ai pas eu d'enfant, tu vas m'en faire un. Hein. D'accord, mais t'es le seul, il avait pas d'enfant avant. Si, il a j'ai deux demi-frères avec. Il en avait fait avec l'autre connasse. Oui, et là, lui a fait le coup habituel de: t'en as fait à l'autre connasse, tu vas m'en faire à moi maintenant. Voilà. On est notre enfant, le fruit de notre amour. Vous verrez les gars, vous y passerez tout ça. Arrêtez. Quoi? Julie, merci de la défense. Mais oui, il est déprimé pas. C'est exactement la réalité. Pas, non. C'est génial d'avoir des enfants. C'est pas le problème, c'est qu'un mec qui divorce, il se met avec une nana souvent plus jeune. Oui. La nana plus jeune, ça, elle n'a pas eu d'enfant. Le mec, il veut plus de gosses. Et à un moment donné, elle dit: allez, on serait bien, ce serait notre enfant. Bah, c'est normal. Et à un moment donné, bim, il en refait un. 53 ans. Il se retrouve à 53 ans, le nez dans les couches, c'est et normal. Les biberons. Regarde, et, Loïc, il est très heureux. Tana, il faut qu'on fasse gaffe. Ouais, nickel. Moi, je suis bien, si fini le perso, c'est nickel. Hein, on fait un pacte. On fait un pacte, puis on se check. Qu'est-ce que vous faites? Plus jamais, on se fera niquer. Voilà. Bon, arrêtez, vous allez vous faire niquer 10 000 fois avant de mourir. C'est vrai, mais ils font les bonhommes là alors que c'est des canards de ouf. Quoi? Bah, c'est vrai. Avec quoi avec ce petit verre de terre dans le dos là? Avec quoi? Avec ce petit verre dans le dos là, j'ai vu. Je suis pas un canard, moi je suis un canard de combat. Moi, moi je suis un canard blessé. Tu n'écoutais jamais les défis, c'est toi, Coco. Et écoute, ça va cette vidéo. Ouais, oui, mais vous m'avez mis comme ça, vous m'avez vu torse nu. Oui, c'est vrai. Bon, t'es fils unique, t'es en première, papa est artiste peintre. C'est ça. Ton père adore un chien qui s'appelle Dookie, qui est un bichon caniche. Oui, il est là, là. Là, c'est ça. Il me casse les pieds à aboyer tout à l'heure. Il aime les bichons caniches. Oh, oui. C'est un peu hyper, ça. Hein. Ah, il est au cucu, au tête. Il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas toucher qui? Ton père ou le chien? Le chien. Le chien. Ah, d'accord. L'argent est un sujet un peu sensible. Ouais, ouais. Pourquoi? Oh, parce que c'est la crise en fait. Ouais, mais c'est chez beaucoup de gens. Ouais, partout. Hein. Et dis Julie qui a perdu 150 euros au casino. Ouais. Et ton père s'embrouille souvent avec sa femme. Ouais, pas souvent, mais ouais, j'avoue, parfois, ouais. Eh bien, tu vas lui faire une vanne sur le truc le plus sensible qui puisse être. T'as perdu le chien. Aïe, aïe. Oh, tu le vends. Ah. Je le vends. C'est mieux. Première phrase. Tu vas te faire de l'argent. J'ai vendu le chien. Ouais. Comme il me saoule, j'ai mis une annonce sur internet. C'est bon, je le vends 120 euros. L'acheteur arrive là, tu devrais être content. Toi, t'es qu'un gros radin. Là, je te trouve de l'argent et tu gueules. Et la dernière, c'était soit ça, soit je te le foutais dans le cul jusqu'à ce qu'il étouffe le chien. Ouais, ouais, bon, c'est limite la fin, mais on est entre nous. D'accord, tu bouges pas, mon gars? Ouais. Après The Chainsmokers. Bon courage pour tous ceux qui vont passer les examens, le bac français, tout ça. Courage. On est là tous les soirs. Grâce à nous, c'est 2 points de plus minimum. Tout le monde en fait plus de toi. Coé, 19h-22h sur Énergie. Ouais. Ça y est, attention, c'est le moment du super jeu avec Loïc. Loïc, redonne-moi les 5 phrases que tu vas dire à ton père, on est parti. Alors, la première phrase c'est « Tu vas te faire de l'argent, j'ai vendu le chien. » Deuxième phrase « Comme il me saoule, j'ai mis une annonce sur internet et c'est bon, je le vends 120 euros. » Troisième phrase « L'acheteur arrive, tu dois être content. » Quatrième phrase « Toi qui es un gros radin, là je trouve de l'argent et tu gueules. » Alors fais gaffe, on n'est pas au théâtre. Oui. Attention, mais comment c'est possible? Un amant dans mon placard. Mais madame sait que je n'aime pas rouler la nuit. Et un dernier. Et la dernière, c'était soit ça, soit je te le foutais dans le cul jusqu'à ce qu'il étouffe le chien. Ne rigole pas trop. Non, surtout rigole pas. T'es un peu en mode, c'est comme ça, t'as bazardé le chien, normal quoi. D'accord? Ouais. Et à la fin, je serai l'acheteur. Il y a une PS4 à gagner. Ouais, PS4, c'était bon. Une PS2 si tu perds. Allô. Allô papa. Ouais. Ouais bah tu sais là je suis parti en promenade tout à l'heure là il y a une heure. Oui. Ouais non mais je suis parti. Ta mère vient de rentrer là. Ah ouais ah bah d'accord. Non mais je suis parti j'ai un truc à te dire. Oui qu'est-ce que tu dis? Tu vas être content papa, on va se faire de l'argent, j'ai vendu le chien. T'as vendu? Non mais t'es fou ou quoi? Je suis pas fou. Mais t'as vu le chien, il s'est caboyé comme une saoule. J'ai mis une annonce sur internet et c'est bon, je me vends 120 euros. 120 euros papa, on va faire de l'argent. T'es fou non? J'espère que c'est une connerie ton truc là. Pourquoi une connerie? Mais t'es pas content de savoir qu'on va gagner de l'argent grâce à Douki, il sert à rien. T'as du sentiment un petit peu quand même, hein? Non? Qu'est-ce que c'est que ce... Je m'en fous, je vais m'acheter une console avec l'argent. Tu veux pas des sous, c'est pas grave. Pas non, mais tu vas t'arrêter de dire des conneries. Là. Écoute, attends, je viens de me réveiller. Tu dis pas de conneries, c'est toi qui dis des conneries. Toi, tu veux te faire de l'argent et dès que je trouve... Je me fais de l'argent avec mes tableaux, je me fais pas de l'argent en vendant... T'es qu'à vendre ta mère, t'es quand même... Tes tableaux pourris, là, ils servent à rien. Au moins, notre chien, il sert à quelque chose. Il sert à l'acheter. De toute façon, toi, t'es un gros radin. T'es un gros radin. Là, je trouve de l'argent et tu gueules. Tu vas te la fermer un peu. Et sois correct. À qui? Qu'est-ce que tu vas te la fermer? Où tu es allé là, pour vendre le chien? Quoi? Hein? Ouais, bah de toute façon l'acheteur arrive, tu devrais être content. Quoi? Il arrive où? Il arrive, bah là je suis allé le vendre, là, je suis parti le vendre, je suis allé vendre le chien. Et ça rien dire comme ça, l'hypocrite. Mais je vends la laisse avec aussi, hein. Donc je fais 5 euros la laisse au passage. Quoi? 5 euros la laisse du chien, j'ai pris la laisse. Mais t'es complètement ravagé, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est une histoire de fou ce truc. Allons. Il sert à rien. Non, ne parle pas comme ça. Faut y arrêter le truc. Là. Dis-moi autre chose de marrant, mais dis pas des blagues comme ça. Ça tient pas debout. Tu sais bien que ça peut pas se faire, ça. Parce que t'as besoin de la merde, rien. Si on gagne pas de prix, regarde, moi, on a un chien, il va me faire un vent. De toute façon, c'était soit ça, soit je te le foutais dans le cul jusqu'à ce qu'il te fait de pouf, le chien. Attends. Là, tu dépasses un peu les bornes, hein. Tu dépasses un peu les bornes. Alors, maintenant, tu vas te la fermer, tu vas m'écouter, hein. Alors, maintenant, tu vas être... C'est toi qui la fermes. Tu vas ramener le chien. C'est toi qui la fermes, ta grande gueule, ok? Je ramène rien du tout. À part aboyer, ça va rien, ce clébard, rien. À part aboyer, ça... Mais si, moi, toi, même pour 10 000 euros, non, le chien reste là. Alors, le chien reste là, mais tu veux, je monte le prix. Excusez-moi, je viens pour le chien. Ah oui, bonjour, monsieur. Donc, oui, c'est vous pour le chien. Je viens pour le chien, oui. Vous venez pour le chien, viens venir à la maison, il y a un gros bulldog, là. Il sera, vous allez être bien content, comment là. Comment on a dit pour le chien? Venez vite, là. Comment je dois mettre sur la table? Amenez-vous, là. Il y a un bulldog à la maison, là. C'est pas le petit chien, là, qu'il faut acheter. C'est le bulldog, venez donc, là. 120 euros, ça fait plaisir, 120 euros. Oui, j'ai baissé le prix. Votre truc, je vous dis, venez voir, là, vous avez un beau bulldog, là. Vous allez voir. 100 euros, oui, c'est pas cher. Je vous attends. Mais c'est toi, je vais te vendre le chien, là. On t'entend plus parler, c'est incroyable. Te prends le chien. Ah, il peut pas se faire. Donc le chien, j'ai 120 euros, ça vous va, monsieur? Non, pas du tout. Mais si, je le bien, monsieur. Vous avez affaire à un mineur. Attends, je prends le téléphone, Allô? Allô? Vous allez arrêter de gueuler tout le temps, on ne s'entend plus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous gueulez. Vous avez affaire à un mineur, alors. Monsieur, si vous voulez acheter un chien, vous venez voir. Et je vous dis, j'ai un gros bulldog, là. Écoutez, monsieur, c'est pas un problème. Monsieur, c'est pas un problème. Rien à foutre, bulldog. Moi, j'ai appelé, on m'a dit chien à vendre, je prends 120 euros, je prends un chien plus 5 euros laisse. 5 euros la laisse? Vous la mettez où je pense, la laisse, hein? Non. Et le chien. Non, mais c'est trop tard. Monsieur, c'est trop tard. Monsieur, c'est trop tard. C'est trop. Si vous partez avec le chien, c'est trop tard. Ça va. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, là? Il va vendre ce chien. C'est quoi comme chien? C'est un bonobo. Il est mélangé avec un bonobo. Ah, vous ne prenez pas en compte ça parce que je parle en vrai. Il est mélangé avec un bonobo, je vous dis. Il a le cul rouge, regardez bien, comme un bonobo. C'est pas grave, une fois que ça se voit plus, c'est pas un problème. C'est un quoi? C'est un 5-6 personnes. C'est un bichon mélangé avec un bonobo, je dis, il a le cul rouge. Un gros problème d'humour, monsieur. Non, c'est pas d'humour, là, c'est je vous le dis, il est mélangé avec un bonobo. Oui, t'as vu, on dirait la pub de Johnny Hallyday. Mais qu'est-ce que vous en faites du bruit quand vous respirez? Ça déconne, vous avez une centrale vapeur dans la bouche ou quoi, vous? Une locomotive. Mais alors, monsieur, enfin, on fait du bruit, c'est pas possible. C'est peut-être des trucs. Oh, oui, il est en train de niquer. On refait pas un enfant, hein? Déjà, le dernier, il est arrivé tard, alors on va pas recommencer, hein? Ça sent la blague, là, non? Mais pas du tout, monsieur. Enfin, écoutez, monsieur, je veux. Il a vraiment le cul rouge, le chien, ou pas? Il avait. Pourquoi il a plus le cul rouge? Il avait le cul rouge. Pourquoi il est où? C'est dominique. Pourquoi il a plus le cul rouge? On dirait DSK. C'est chaud, le cul rouge. Pourquoi il avait le cul rouge, le chien? Non, mais le cul du dingus. Ok, c'est pas grave, c'est tombé, j'ai envie de dire. Il gagne ou pas, le petit? Oui. Il a fait ce qu'il a pu. Ouais. Allez, c'est bon, allez, PSK, c'est bon. Ça peut pas être. On sent le papa artiste, hein, on sent le papa, hein, on sent le détendu, hein. Il est détendu, le père. On te sent détendu, monsieur l'artiste, hein, on te sent. Oh, les problèmes de la vie, ne me touche pas. Moi, je m'appelle Koé, on est sur Énergie, je te fais un gros bisou. À bientôt. Vous m'avez fait perdre de l'énergie, hein. Bah alors là, parce que vous étiez à fond, là. Ah, j'étais à fond. Ah, hein. Oh, d'accord. Mais non, qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes tout mou? Gros bisous, à bientôt. L'autre, il va en prendre et attendez. Mais ça, il mérite. Termine, hein. Mais ça, il mérite. Il mérite. Viens à la maison, là, tu vois. Il mérite. Le Père Noël aussi. Gros bisous, je vous embrasse. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait le Père Noël aussi. Oui, c'est vrai, il fait les deux. Walking home and talking low. Seeing shorts and evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? And I'll be me. And I'll be me. The floor to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself in something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. Vous avez vu cette demoiselle qui est décédée? Quelle horreur, une Canadienne, elle s'appelle Myriam Ducré-Lumé. Ah, c'est beaucoup d'amour. Bah, elle s'appelait. Eh bien, elle s'appelait parce qu'elle est morte. Pourquoi? Elle est morte de quoi? Oh, ça drop. Oh, Rod, c'est triste. Oh là là. 20 ans. Ouais. Horrible, hein, on est là, on rigole. Bah, décédée à 20 ans, c'est horrible. Vous savez de quoi elle est morte? Non. Ceux qui ne savent pas. Alors, ceux qui savent, dites rien. D'après vous, autour de l'équipe, ceux qui ne savent pas de quoi elle aurait pu mourir, cette dame. Moi, j'ai hâte de le voir, donc. Ben c'est bien, ça sert à rien. Il va falloir lui enlever toutes les news, ça sert à rien. Tu sais que les lis avant quand même. Oh là là, bien sûr, tu les valides. Oui, bah oui, attends, madame la rédactrice en chef. Elle les réécrit. Elle les réécrit. Quand ça l'intéresse pas, elle change de pays. Elle fait tout, elle fait tout. Je sais pas, une maladie, du mais non, mais c'est un truc horrible. Elle a un nouveau petit copain, elle a 20 ans. Mais ça peut arriver, hein. Écoutez bien l'horreur. Elle roule une pelle à son mec. Sauf que son mec, il vient de bouffer des cacahuètes. Elle est allergique à la cacahuète. Son inhalateur contre l'asthme n'a pas suffi à dégager ses voies respiratoires. Elle est morte étouffée. Mais les allergies aux arachides, ça peut être super violent. Ah ouais, mais ça fait des morts ridicules, par contre. Et si je dis pas de bêtises, c'est pas tu meurs pas des poumons, c'est ta gorge qui gonfle et tu ne peux plus respirer, je crois. Mais son mec, il était pas au courant. Bah, c'est-à-dire qu'il a dû l'avoir tombée, puis il a dû l'avoir. Vous savez que dans ces cas-là. Il faut oser faire un trou avec un stylo dans le. Non, avec un couteau et tu mets un stylo dedans. Il faut le faire, hein. Là, dans le creux de la gorge, tu dois prendre un petit coup de cutter ou un petit coup de machin. Tu donnes un petit. Et hop, tu mets un stylo bic, t'enlèves l'intérieur pour que c'est le seul moyen. C'est le moyen de sauver la personne. C'est une paille ou un tuba, mais il faut avoir un tuba. T'imagines un peu? Tu donnes un petit coup de cutter. Pardon, c'est pas là. C'est pas là. Et puis allez-y, t'imagines le mec qui paye, il ose pas. C'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et c'est comme ça que tu peux sauver quelqu'un. Mais là, attention, hein, c'est en mode extrême. Hein. C'est quelqu'un qui voyait vraiment, qui peut plus respirer. Bah oui, mais t'as pas le choix, Julie. Bah, et donc cette dame, elle est morte à cause des cacahuètes. Ouais, c'est triste. Vous savez que bientôt, les mecs, ils vont faire ça comme pour les paquets de cigarettes. Hein. Ils vont mettre sur les paquets de cigarettes. Manger les cacahuètes tue. Ouais. Bon, les mecs, pareil, ça va marcher pour tout le monde. Restez avec nous sur Énergie. On aura Julie dans un instant de Bordeaux. Ça va, Julie? Ouais. Ça va et vous? Ouais, ça va bien. Julie, pas contente. Pas contente. C'était toi le SMS d'hier sur les plans cul? Ouais, c'était moi. Pas contente. On en parle dans un instant, ma chérie. Pas contente. À tout de suite. 22h. Énergie. Guillaume. Amine, c'est là. On t'a déjà léché. Genre, on te léchait deux oreilles en te prenant en même temps? C'est un truc qui peut t'exciter? Non, plus comme préliminaire, je trouve ça sympa, tu vois. Flo des calots. Ça a aucun intérêt, c'est aucun pas intérêt. Du tout excitant. Et après, ça reste mouillé, moi je trouve ça désagréable. Il y a des zones érogènes. Dans l'oreille, même une zone érogène sur le genou. T'as le tympan érogène. Amina, c'est comme le docteur Maboul, tu peux pas la toucher sans qu'elle buzz.

Oui, mais moi je le sais, tu en as déjà parlé hier sur Twitter. Alors, je vais vous en parler. Je vais vous en parler de mon coup de gueule. C'est que moi, quand j'écoute la radio, tous les matins, tous les soirs, j'entends tout le temps des nanas, des mecs qui viennent se vanter de leur plan cul, de leur tromperie. J'ai trompé ma copine avec un tel, avec machin. J'ai envie de leur dire, mais ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ils n'ont pas de respect pour eux, ils n'ont pas de respect pour leurs copains. Tu sais quoi, parlons-en dans un instant, tu as raison, c'est dégueulasse. Oui. C'est dégueulasse, tous ces gens qui s'expriment pas contents, pas contents. Tu nous parleras tous. Mais ne bouge pas. Après Boosty, il sera plus jamais seul. Toi non plus, tu seras plus jamais seul. Personne ne sera plus jamais seul. Boosty était venu nous voir en live il y a quelques temps. On ne sera plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. We don't like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droite, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tout ne sera plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tout ne sera plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tout ne sera plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. C'est parfois trash. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Mais ça peut être aussi romantique. Pourquoi les maguider? Mais c'est surtout très con. 19h-22h sur Énergie. Il faudra qu'il vienne nous voir, Mélissa Doun. Qu'il vienne nous voir. Il voulait venir à l'émission un soir pour. Bah, qu'il vienne. Bah oui, faut qu'il fasse ce live. Mais faut qu'il me fasse ça. Pourquoi tu m'as quitté? T'es mon bébé. Ça va, Julie? Ça va, super. Julie, elle n'est pas contente des gens qui se vendent de leur plan cul. Mais c'est même pas une histoire de plan cul. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, c'est vraiment l'histoire. On vient sur la radio, on passe à l'antenne et on est là et on raconte. J'ai trompé ma meuf, j'ai trompé mon mec. C'était super. J'ai fait ça avec mon boss et puis lui. Alors non, attends. Ils nous appellent pour qu'on les aide. On est d'accord. Attends, là, je vais mettre du côté des auditeurs. Ils appellent pas tous pour dire c'est super. Parfois, ils appellent pour dire bon, je l'ai fait. Comment je peux réagir? Tout le monde n'arrive pas en disant hey, c'est génial, j'ai trompé ma meuf. Non. Souvent, ils arrivent en mode ils sont bon. Pas bien, quoi. J'ai eu une aventure extra-conjugale, je l'ai fait. Oh mon Dieu. Oh, mais attends, genre, ça t'est jamais arrivé. Bah oui, attends. Non, je ne dis pas ça. C'est pas ça. Voilà, ils appellent, ils veulent de l'aide, très bien. Ça veut dire déjà, ils n'assument pas eux-mêmes de la bêtise qu'ils ont fait. Ils sont obligés d'appeler la radio. Oui, heureusement qu'ils appellent. Ah, parce que d'accord, donc ça veut dire il faut qu'on vous appelle. Alors, remarque, c'est bien, ça nous déculpabilise un petit peu. Mais on fait quelque chose, mais après, Julie, on peut appeler Corée. Julie, on ne peut pas avoir que des gens qui ont une vie nickel dans laquelle il ne se passe rien. Bah oui. Sinon, on appellerait, on dirait ça va toi ? Ça va génial, je suis premier de ma classe, j'ai 22. J'ai 20, je vais aller à Miami cet été, je suis blindé de thunes. Voilà, et t'as des problèmes ? Aucun. Au revoir. Salut. Il faut bien qu'on ait quand même des gens qui ont des trois petits soucis, qu'on fait deux, trois petites conneries pour qu'on règle des trucs. Et puis, c'est pas facile à gérer les histoires de tromperie. Mais enfin, t'as jamais trompé ton mec, toi ? Jamais. C'est jamais arrivé. Jamais de la vie. T'as quel âge, Julie ? J'ai 27 ans. Mais t'en sais rien ? De quoi j'en sais rien. Quand t'es jamais trompé. Non, si elle n'a jamais. Ah, moi, c'est. Si, bah après, voilà. Moi, non, je le fais pas. Après, je ne juge pas ceux qui trompent. Après, on sait pas comment ça se passe dans la vie d'un couple. On est tous d'accord avec ça. Après, ce que moi, j'entends à la radio, c'est même. C'est des personnes qui appellent. Les personnes qui appellent à la radio, qui demandent en gros, qui sont contents de raconter qu'ils l'ont fait avec la bosse, c'est trop bien, c'est l'expo du siècle, le trophée, et on est contents, on en rigole tous. C'est normal, très bien. Ils sont jeunes. Et si nous revenions à des valeurs traditionnelles, familiales et chrétiennes ? Voilà. C'est vrai ça ? Qu'en penses-tu ? Non, mais... Hein, qu'en penses-tu ? Où on se promet fidélité avant le mariage ? Où on jure à monsieur le curé que jamais on a fait de fellation et que le zizi s'est fait pour jamais. Faire des enfants ? Jamais, c'est ce que Julie, oui. C'est ce que Julie a juré à son curé, mais comment t'as non, pu j'ai faire pas juré, ça ? Mais comment mais t'as mais pu ? Péné de rire le curé. Quand le curé, il dit à tout le monde, il dit à Julie, promettez que vous n'avez pas fait de fellation. Julie a dit, oh bah oui, non, jamais. Non. Ouais, non. Il a dû être mort. T'étais là, j'ai pas dit oui, non, jamais, j'ai acquiescé. Je n'ai jamais dit oui, machin, comme ça. Mais tu réponds à ma place, j'ai jamais dit quoi que ce soit, j'ai jamais répondu. Enfin, quand le mec. Il a parlé, on l'a laissé parler. T'as 26 ans, il t'est en couple depuis des années, il te dit la fellation n'existe pas, tu devrais lui dire écoutez, ça va, on vit en 2016. Ouais, mais tu dis pas ça le jour de ton mariage. Oui, mais si vous saviez, moi, c'était il dit pas le jour du mariage. Non, mais pas le jour de ton mariage, machin, fellation. Ah si, moi j'ai eu beaucoup sucé dans ma vie. il faut vivre avec son temps, un curé doit bien savoir que les jeunes. Pardon, t'arrives au mariage, que tu. Oui, mais dans la religion, la bouche, ce n'est pas fait pour ça. Oh là là, ça y est, on y était là, j'étais à l'église là d'un seul coup là. L'herbe et tout. Mais... Voilà, Julie, où tu nous amènes là. Non, mais le pire, c'est que c'est même pas ça. Après, moi, je vous parle vraiment des gens qui viennent se vanter à la radio. Oui, mais après, Julie, sache que les gens qui passent à l'antenne et qui ont des problèmes, des soucis comme ça, souvent, c'est pas leur vrai prénom, tu vois, c'est pas leur vraie ville et oui, tout ça, parce que justement, d'accord. Pour pas qu'on les retrouve et qu'on sache pas qui parle. Qui se passent oui, pas reconnaître par leur qu'à la fin, ils font des dédicaces à leurs collègues, à leur famille. Et ça se trouve, un jour, c'était mon mec qui a appelé, qui a donné un autre prénom, et en c'est fait, il m'a trompé. On sait pas. Peut-être. Non, mais qu'est-ce voilà, qui dérange dans le fait qu'il raconte ça à la radio ? C'est pas ceux qui racontent, c'était vraiment le fait de ceux qui appellent pour raconter, qui se vendent vraiment. En fait, je me dis, ils ont pas de respect pour eux, pour leur. Parce qu'il y en a vraiment qui se cachent pas, qui. On va pas dire le contraire, il y en a qui appellent la radio, ils vont raconter ce qu'ils ont fait ce week-end, les petites bêtises, c'est pas bien, mais je l'ai quand même fait. Quoi. Mais en si gros, tu fais une perte, t'es content de le raconter. Si bah, c'est pas que des gens qui trompent qu'on a au téléphone. Il y en a qui appellent parce que ouais, ils ont fait une perf ou machin ou un truc. Oui, je ne dis pas que ce sont que des gens qui trompent. Et après, je ne juge pas non plus. Voilà ce qui se passe dans un couple. Je dis vraiment, moi, mon coup de gueule, c'est vraiment pas contente. C'est ceux qui passent à l'antenne et qui disent. Moi, je suis désolée, mais il y a encore pas longtemps à la radio, j'entends. Oui, j'ai couché avec ma boss. En plus, elle est mariée, elle a trois enfants et tout. Oh, mais... C'est pas chez nous, ça. C'est chez Manu. Manu, mais... les saloperies c'est chez Manu. Moi, nous on a que des gens purs. Nous le soir, c'est pureté, c'est religion et c'est jamais avant le mariage. Hein, l'équipe. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Chez Manu, c'est des dépravés, des gens qui veulent doubler leur salaire, des gens qui aiment que le pognon. Alors que nous le soir, pas d'histoire d'argent. Pas nous. Du tout. Que de l'amour. Ah, vrai, pas d'histoire d'argent. Regardez, nous à un moment donné, on a voulu aller aux États-Unis. Dieu nous a rappelé à l'ordre. Walibi en Belgique. C'est voilà. Ça. Autoroute de Bruxelles Namur, sortie Wavre. Et du coup. On a offert notre budget à Manu. Et c'est voilà, bien. Et Manu, et le mec, on a donné le budget, il s'est barré avec le fugitif. T'imagines voilà. Un peu ouais. Non, mais c'est pas, non, c'est pas chez nous, madame. Non, nos auditeurs. Non, regarde, je vais passer le micro aux auditeurs. Voilà, prends-moi ce jeune homme, quel est ton prénom ? Cédric. As-tu trompé ta petite copine une fois ? Non. Jamais, merci jamais. Beaucoup. Le micro à côté. As-tu déjà trompé ton mec ? Non. À côté, le micro. Mademoiselle, quel est ton prénom ? Juliette. Est-ce que, comment ? Juliette. Juliette, est-ce que t'as déjà trompé ton mec ? Non. Bravo Juliette. Le mec, quand même le mec à côté, est-ce que tu as déjà trompé ta nana ? C'est quoi tromper pour vous ? Tromper. Ah. Non, parce que... Ah, Awad, c'est trompé. Non, alors. Mademoiselle, as-tu déjà trompé ton mec ? Non. Voilà, la demoiselle à côté, as-tu déjà trompé ? Voilà, elle veut pas répondre. Oui. À moitié, c'est-à-dire c'est quoi ? T'as mis, il a mis qu'un bout de langue ? Il a mis une langue dehors, une langue dedans, comment il a fait à moitié ? Non, c'est parce que lui aussi, il était en relation ambiguë avec je sais plus qui, et donc voilà, c'était le bordel. Ah. D'accord. Le jeune homme à côté, est-ce que tu as une petite copine? Ouais, est-ce que tu l'as déjà trompé? Bah non, t'en as pas. Passons le micro derrière. Pour l'instant, c'est un sans faute. Mademoiselle, est-ce que t'as déjà trompé ton mec? Attends, à moitié. À côté, le jeune homme, est-ce que t'as déjà trompé ton mec avec ta copine? Non. Voilà. Mademoiselle derrière, t'as déjà trompé ton mec? Non plus. C'est merveilleux. On a un public de gens fidèles. Voilà. Et ben les gens dépravés. Bien menti. Voilà. Et vous êtes les plus gros menteurs de la planète. On fait le même tour dans l'équipe ou pas? Non. Julie, est-ce que t'as déjà trompé ton mec? Ça m'est arrivé, oui. Pietre, est-ce que t'as déjà trompé ta nana? Jamais, au grand jamais. Guéguette, as-tu déjà trompé ta nana? Jamais. Ah non, sinon il serait coulé dans du béton. Jérémy, as-tu déjà trompé ta nana? Non, Jérémy, jamais. Loris, as-tu déjà dû tromper ton mec? Jamais. Bérénice, as-tu déjà trompé un mec quand t'en avais un? Je m'en rappelle plus. Stouff, est-ce que t'as déjà trompé ton mec? Jamais. Voilà. Coué. Jamais. Coué. Mais s'il y a un truc que je trouve dégueulasse, mais c'est inadmissible. C'est bien ça, c'est inadmissible. Et que je meurs sur place si je... Jamais. Jamais. Ah, mais vraiment, mais ça me dégoûte les gens qui trompent les autres. Ça dégoûte. Vente à la radio, je suis d'accord avec toi. Ouais. Non. Et t'as un numéro où on peut te rappeler? Ouais, t'as un numéro toi. On ira à Bordeaux. Je te fais un gros bisou, mademoiselle. Je t'embrasse fort en tout cas. D'accord. Gros, gros ton bisous. Message est passé en tout bisous, cas. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse, ma chérie. Salut. Au revoir. À bientôt au revoir, à Bordeaux. Au revoir. On se verra à la plage là-bas. Je vais les mixer là-bas bientôt. Voici Coldplay, Beyoncé sur Energy. Ah, il paraît que par contre, le mec de Beyoncé l'a donc bien trompé. Ouais. Ah oui, oui, ouais. Clairement, oui. Pourtant, il est moche comme un cul. Hein. C'est vraiment l'argent qui l'argent. Lui amène un truc. Ah bah, parce qu'il est, il est laid. Hein. Il est oui. Très laid. Speed my girls up. sur Énergie. Oui. On est tous sur Énergie comme tous les soirs. Julien Ferretta viendra nous voir de vendredi. Ça, non, le nouveau de Julien Peretta, c'est celui-là. Vous l'entendez déjà sur Énergie. Vous le ferez en live vendredi. Oui, ouais. Et demain soir, on a Alvaro Soler. Non. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Non. Ah oui, c'était l'espagnol qui faisait. Oui, c'était ultra beau gosse. Alvaro Soler, vous en souvenez dans le public ou pas? On a sa chanson? Non, ah, on vient de la prendre. On vient de la prendre. Ah, Alvaro Soler, oui. Mais tu ne l'as pas dans la machine, l'ancien titre d'Alvaro Soler? Il va arriver, il va arriver. El in mon santan, olande guadatanta. El in mon donne dando. C'est exactement ce qu'on était en train de fredonner. Merci Ligatche. Ça, c'est les mecs fidèles, ça. Bah, oui, la musique dans la peau. Ils chantent bien. Ah, eh bien, justement, voici le qui veut épouser Gaguette. Ah. Tu as bien fait de l'ouvrir. Nous avons une demoiselle qui s'appelle Cassandra, 21 ans. Ça va, Cassandra? Ça va et toi? T'habites à L'Aigle, c'est en Normandie, ça? Oui. Je connais bien. Tu vas piéger ta tante qui s'appelle Véronique. Oui, c'est ça. Attends, qui est qui là? La tante, c'est celle qui est mariée? Qui est en robe de mariée sur les photos? Oui, voilà, c'est ça. Oui. D'accord, très bien. Et toi, t'es celle qui a utilisé à peu près 1000 filtres pour faire la photo? Voilà, c'est ça. D'accord, arrêtez avec Retrica les photos. Retrica, c'est ça? Je connais pas Retrica. Ah, c'est, faut arrêter parce qu'à un moment donné, c'est plus votre tête. Tout le c'est, monde est beau. Non, ça. Mais arrêtez, c'est pas tout le monde est beau, c'est que c'est plus votre tête. Ah, les noirs, ils deviennent blancs, les blancs, ils deviennent bronzés. Celui qui a les yeux marrons, ils deviennent bleus. Enfin, c'est plus votre tête. Ah bon, tête. Tu peux faire ça? Bah, tu fais ce que tu veux avec ce truc-là. C'est absolument magique. Je vais faire une photo après, tu vas voir. Pour l'instant, donc, tu vas appeler Cassandra, ta tante. Tu vas lui dire que tu sors avec Gaguette, d'accord? Oui, c'est ça. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Je sais pas. Ah non, faut être sûr. Tu l'aurais rencontré où? Chez Casto. Je l'aurais rencontré à l'émission. Ouais, d'accord. Il t'aurait dragué. Voilà. Et depuis, on se voit en mode plan cul. Voilà. Allez, on y va. Alors, toi, t'es amoureuse. Et ouais, toi, t'es amoureuse. Et lui, il s'en fout. Et moi, je ferai le connard. Voilà. Oui, voilà. Allez, on est parti, c'est parti. Allez, gros, on appelle Tata. Et c'est un très bon coup, hein. Ouais. Tata? Non. Allô? Allô, Tata? Oui? Oui, c'est Cassandra. Il fallait que je te parle. Tu sais, il n'y a pas longtemps, je suis partie à Paris. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Qui? Il s'appelle Gaguette. Qui ça? Gaguette. Il fait partie, tu sais, il fait partie de l'équipe Akoé. Ouais. Et il a quel âge? Je sais pas si je vais te le dire parce que. Bah vas-y, dis. Bon, il est dans la quarantaine. Non, tu rigoles là, Cassandra, là. Et il a 30 ans plutôt, excuse. Ouais, bah même 30 ans, attends, t'imagines l'écart d'âge avec toi, Casso? Est-ce que tu t'imagines? Ta mère, elle est amoureuse de lui? Non, elle est. Ta mère, allô? Eh, mais t'imagines quand tes parents vont savoir ça, Cassandra? Non, mais est-ce que t'imagines le truc, là? Non, mais franchement. Ah, mais je l'aime. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais bon, on partage plein de trucs ensemble. Ouais, mais bon, attends, non, Cassoula, non, attends, je veux bien te couvrir sur pas mal de choses, mais bon, là, faut arrêter les délires, là, Cassandra, là, t'imagines, il y a Mais c'est que, ouais, mais il est bien, parce que c'est un bon coup au lit, hein. Ouais, mais bon, le lit ne fait pas le tout, hein. Ah ouais, ça, mais... c'est clair, hein. Attends, ah ouais, Cassandra, mais... imagine ton avenir, et tu comptes quand même pas partir habiter là-bas. Bah, si. Ah bah non, attends, tu sais quoi? C'est quoi, Cassandra? Je vais arriver avec que ton oncle, on va discuter sans, tranquillement, là. Parce que là, je pense que ça va pas le faire. Mais en plus, je suis pas à la maison. T'es où, là? Je suis avec lui. Et t'as dit quoi, tes parents, pour te barrer comme ça? J'ai dit que j'étais chez une copine. C'est malin. Imagine, Cassandra, il t'arrive un gros souci, là. Tu fais comment? Mais merde, il réfléchit. Mais Cassandra, c'est toi qui le dis. T'en sais rien du tout. Mais réfléchis, ma grande, hein. Aux machines. Il me parle, lui. Oh, machine, hey, je te demande de me chercher une bière, toi, je te retrouve au téléphone. Oui, mais non, mais Cassandra, comment il est en train de te t'es parler, sérieuse, là? Mais qui c'est qui gueule dans le téléphone? C'est ma tante. Cassandra, attends, t'imagines, il est en train de t'appeler machine, là. Casse-couille, ta tante. Passe-moi le téléphone. Mais moi, je t'emmerde, espèce de petit con, là. Donne-moi le téléphone et va chercher une bière, je te retrouve dans deux minutes. Allô? Ouais. T'es qui? Bah, c'est la tante à Cassandra. Bonjour, tata. Et t'as pas autre chose à foutre, là? On dit la tante de Cassandra. Non, mais attends, Cassandra. Déjà, une, on se connaît pas, tu m'appelles pas tata, s'il te plaît. On est bien d'accord. Tu me vouvoies, toi, par contre. Ouais, bah, toi aussi, à ce moment-là. Bah, vu ton grand âge, je peux te vous voyer, ça peut marcher. En tout cas, ouais, là, mais je suis bon, avec... mon gars, tu me dois le respect quand même, hein, ça, j'en ai rien à foutre. Avec... Ta gueule, je suis avec ta nièce. Mais ta gueule, non, mais si je veux, sais... non, mais attends, tu te prends pour qui, espèce de baltringue? Mais tu sais qui tu parles, toi? Ouais, je le sais, ouais. Bah, alors, redescends un petit peu, s'il te plaît. Tu sais combien il y en a qui aimeraient être à la place de ta nièce, là? J'en ai baisé des plus belles. Mais je lui mets un petit coup pour lui faire plaisir. Alors, s'il te plaît, tu nous laisses tranquille. Non, mais attends, t'es en train de la prendre pour quoi, là, espèce de connard? Mais elle le sait très bien. On ne reste pas avec une star toute sa vie. Non, mais je te jure. Et je te jure que je te vois jamais, mon gars. Mais je te vois. Pointe jamais chez mon beau-frère. Hein. Tu sais pas parler français, toi. Je te vois. Répète après moi, que je te vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais si tu me vois, je te ferai un autographe. Ne descends jamais chez mon beau-frère, parce que je te jure que je vais débouler, je vais t'en mettre une. J'ai pas prévu d'aller dans ta brousse, non, je vais pas venir chez ton beau-frère. Je suis à Paris, si tu veux venir me voir, tu viens dans l'émission. Je suis tous les soirs en émission, je te ferai une dédicace, je te ferai une photo. Quelle émission? L'émission de Coé, le soir, sur Énergie. Cassou, je vais te tuer. Je suis pas Cassou, moi je suis Guéguette. Cassou, bon. Je te jure, tu m'as pas fait ça. Bon, ta gueule. Bah oui, elle a compris. Elle a compris, évidemment. Allô? Oui. Évidemment qu'elle n'est pas avec Guéguette. Oh. C'était très bien. Hein. La tante à Cassou. Il est très bon, Guéguette. C'était très bien, Guéguette. Je soupçonne d'être. Ah, il est bon. Il était parfait. Il était parfait. Ça va, la tante? Ça va, impec. La tante à Cassou. On a les photos du mariage. C'était quand? Ouais, tu t'es marié quand? En 2011. D'accord. Le 16 juillet 2011. Ça tient toujours? Ouais, ça tient toujours. Toujours aussi bien qu'au début? Toujours pareil. Menteuse. Si. Vous faites toujours l'amour de la même façon? Non, mais dites-moi encore, vous voulez pas tout savoir. Menteuse. Hein, que c'est moins bien qu'au début, hein. Et comment ça, vous allez foutre du mariage? Hein, c'est moins souvent qu'au début, hein. Non. Menteuse. Oh, mais tu mens. Tu mens, tata, c'est horrible. Cassou est mort, c'est dingue. Elle gagne, qu'est-ce qu'elle gagne? Une tablette qu'on envoie à Cassou. Désolé, tata. Au revoir, tata, à bientôt. Au revoir. Pas beau de mentir, tirant en enfer. C'est-à-dire que c'est toujours aussi bien qu'au début. Enfin bon, salut Cassou. Salut Coé. Bisous ma chérie, inscrivez-vous coé@energie.com. Laissez-nous vos messages, bienvenue dans la première émission de France et de Belgique. Dans quelques jours nous serons à Walibi. Voici Charlie Black. My girl come flip it like a flipper gram. Flip it like a flipper gram. Make your bumper flip like a flipper gram. Flip it like a flipper gram. Flip it like a flipper gram. Y'all wind up on my body. She come back for more. She take off the shoes and pan the dance floor. Then she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me adore, so fine up on my body, girl.

gone too far. Sometimes you wanna cross every ocean just to find the peace of your heart. I can barely sleep. Why won't you come to me? I want you to stay. Parce que moi je me balade en paille. Je me balade en paille. Je me balade en paille. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam. J'espère que tout va bien. Il y aura Julien Peretta, il y aura Jennifer qui vient de voir Lani. Le retour de Jennifer et la présentation en exclu de son nouveau titre, c'est Lani. Oui. J'ai tout planté de son souvenir. Mais je danse jusqu'à rire. J'ai jamais compris les paroles de cette chanson. Je ne veux rien dire. Sarah, comment ça va, ma chérie? Salut. Ça va, salut, Sarah? Bienvenue. Oui, je te présente va. Julie. Je te présente Piet, qui, comme d'habitude, écrit des trucs et ne suit pas l'émission. Je te présente Guiguette. Je te présente Bérénice. Enfin, tu as eu Bérénice ou Stouff au standard. Oui, j'ai eu au téléphone. Oui. Est-ce que tu as dit bonjour à Loris, qui est dans la vidéo du Toc Toc Toc avec Kev Adams, qui cartonne Non, Kev Adams est dans la vidéo avec Loris. Voilà, oui, c'est merci. Ça, plutôt. Voilà. L'intitulé exact. Ah, c'est l'intitulé exact. C'est qu'il a voulu le changer. Hein. Ouais. Toc Toc Toc. Loris arrive avec Kev Adams. Écoutez, chez une fan. C'est comme ça que ça se passe. Bon, t'habites à Lorient ? Oui, c'est ça. Alors, attention, dans un instant... Pourquoi tu nous, parce que je viens de voir le sujet. Ah. Dans un instant, ça va faire plaisir, nous poserons cette question que tu te poses, Sarah. Oui. Quelle est cette question ? Alors moi, je me pose la question de savoir si je fais des bonnes fellations ou pas. Eh bien, en fait, c'est mon mec qui kiffe. Eh bien, on en parle dans un instant. C'est un sujet important. Un sujet. Parce que des fois, quand c'est mal fait, on n'ose pas le dire. Et c'est pas bien. Et on est là, on fait aïe. Souvent, non, ça arrive, ça arrive, c'est pas bien. C'est pas bien fait, c'est pas fait avec amour. On en parle dans un instant, ma chérie. Après Calvin Harris, c'est personne rigole. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Simple cette version, non? Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Oui, c'est plus simple, mais c'est pas celle-là. Allez, on a Sarah, alors que la vidéo du clip Zougoulou, oui, c'est oui. La Zougoulou qu'elle a vie, va arriver. Sarah, 22 ans, à Lorient, elle oui. Ne sait pas si elle fait des bonnes gâteries à son mec. Gâterie, voilà, alors attends, juste, attends. Juste, j'ai pas trouvé mieux que le mot gâterie. Oui, juste. Pour pas être vulgaire. Fellation. Fellation, oui. Mais fellation, c'est pas vulgaire. Non, c'est pas vulgaire, c'est ça médical. Fait médical. C'est ouais. Plus joli, des c'est plus gourmand. Comment tu dis? Des pupilles. C'est un mot qui fait moche en verlan. Des pupilles. Des pipes. Pipes, c'est moche. Ah, c'est moche. C'est un mec qui dirait à sa nana, tu veux pas me faire une pipe? Je trouve ça horrible. Ah, c'est horrible, ouais. Gâterie, excusez-moi, j'ai pas trouvé mieux que gâterie. Gâterie, non. Pour moi, ça fait vieux. C'est mignon, une petite gâterie. Ouais, ouais. Comment vous dites, les filles, vous? Moi, je dis une cornetto. Ah, il y a la chupa. Il y a la turlute. La chupa. Oh, ah, je suis ravi. Bienvenue à Paris. Il y a une petite turlute à 20 francs, ma bonne dame. 20 sous la turlute. T'es un Montmartre, toi. Ça y est, on est revenu 40 ans en arrière. Et toi, tu dis cornetto. Viens, je vais te faire un cornetto. Non, mais oui, c'était un délire avec mon ex. On disait une cornetto. Ça en est passé des trucs avec ton ex. C'est incroyable, là. Ouais, mais il faudrait qu'on contacte. Cornetto, comment tu dis Jérémy? Sucé. Ouais. Il lui non, mais son, hey, tu le dis même plus, toi tu fais un regard, hein, les là, yeux descendent, elle dit ok, j'ai compris. Loris, comment tu dis? Sucé aussi. J'aime pas. Oh, sucé, ouais, merci bien. Monsieur. Oh, ouais. Moi j'aime. Comment, ouais. Mais le mot sucé, je trouve ça vulgaire. Non, tu vois, non. Tu suce-moi. T'aimes bien? Ah, il est bien le suce-moi. Bah ouais, franchement, il mais Julie, mieux. De toute façon, il faut qu'on l'humilie. Si tu le mec l'a pas dit, non. Si. Tu dis pas gâte-moi en même temps? Non, bah ouais. Gâte-moi. Si et est-ce que finalement, ça vaut le coup de le dire? Est-ce que finalement, non, on se comprend pas et le fait d'appuyer sur la tête ne suffit pas? Le fait de monter sur une chaise quand ça est debout. Tu sais, nous les mecs, on est comme ça au début de notre sexualité, on baisse un peu la tête, puis on monte un peu le bas du corps comme ça. Non, mais tu demandes pas pour le coup. Bah, un peu comme non, des fois, bon. Alors, où est le problème, ça? Alors, c'est pas que j'ai l'impression qu'il aime pas ça, c'est que j'ai pas l'impression que ça lui fasse tant de bien que ça, parce que je l'entends. Enfin, tu vois, il n'y a pas le bruit de je kiffe. Déjà, il m'en demande pas non plus. Et puis il reste rigide quoi. Enfin, tu vois, il reste droit. Donc c'est pas que je pense que je passe pas ça bien, mais si. Je pense que je pourrais faire mieux. Non, non, mais c'est pardon. Excuse-moi, je pense que tu fais ça mal. Non, parce que si le mec ne te le réclame pas et que quand tu lui fais, il reste droit, genre en mode tendu, genre. Avec tes ex, ça se passait bien? Il y avait des plaintes ou pas? Bah, en fait, j'ai eu qu'un seul mec avant et je m'étais pas posé la question. Bah, tu te la poses enfin, maintenant. Voilà. Hein. T'as pas d'élastique ou un pied jaloux dans les dents? T'as pas un appareil dentaire en métal? Mais non. Est-ce que en termes de mouvement, est-ce que je fais bien immeuble? Enfin, je sais pas. Écoute, ça, on sait pas, on n'est pas là non plus. On peut pas nous demander. Là, mais tu sais, je vais venir tester, des fois, les filles, vous pensez pas à un truc. C'est à suffisamment ouvrir la bouche. Parce que les dents, vous oubliez ça, mais ça fait mal. Ouais. Est-ce qu'il y a des copeaux quand t'as fini? Non, mais vous rendez pas compte, mais des fois, vous pouvez faire mal avec les dents. Parce que vous avez juste pas assez ouvert, vous pensez que c'est bien, mais ça fait mal. Ouais. Vous n'êtes pas des castors. Ou alors vous y allez un peu fort sur le au bout, on est un peu sensible quand même. Et des fois, vous y allez un peu fort et ça peut faire un peu mal. Peut-être. Faut y aller en douceur, cool, doucement. Ouais, mais quand c'est trop doux, c'est chiant. Ouais, mais toi, t'es un malade. C'est plus trop doux, en fait. Moi, mais Pietre, il faut qu'il soit sucé par un morse, sinon il sent rien. Mais non, mais toi, t'es bizarre. Toi. Un castor. Toi, il faut que ça fasse un peu mal, il faut que ça y aille fort. Mais excuse-moi, moi, par exemple, je fais partie des gens qui ont une certaine sensibilité à cet endroit-là. Moi, il faut y aller doucement et avec amour. Ouais, il a raison. Il faut commencer aussi. Doucement, toi. Que doucement. Il faut commencer doucement. Tu fais chier, c'est comme tout. Quand tu fais l'amour, tu fais doucement. Mais t'es à deux doigts. C'est dangereux, tu sais. imagine, elle y va avec la main aussi en même temps, elle va un coup trop loin. Bah, Natif, je te demande pas de la mettre contre le crépi, mais. Mais quoi, et puis porte. On arrive à jauger de façon en fonction. Non, vous jaugez pas. Non, vous savez, pas. Vous n'êtes pas vous dans pas place. Ça fait mal. C'est pour ça que vous ne savez, pour ça que des fois, toi, tu dis, on t'est vexé quand le mec se finit avec sa main. On sait très bien. Mais le mec, il se finit avec sa main parce que vous ne savez pas le faire à notre place. Nous, on sait doser le bazar, que vous, vous allez y aller, puis d'un seul moment où ça vient, hop, vous arrêtez, ou vous freinez. Ça rend dingue. Nous, on le sait. C'est pareil, hein. Quoi? Oui. Bah, quand vous nous faites des gâteries. Non, parce que vous, les filles, vous allez dire, t'arrêtes pas. Ah, c'est là, attends, continue. Hop, vous allez donner une petite indication. Pourquoi vous ne donnez pas des indications? Parce que nous, il n'y a pas de point. Bah moi ça m'arrive de le dire, hein, continue. Vous dites jamais rien, vous? Ouais, si. Non. Bah si, moi j'étais accélère, freine, tourne à gauche, contrôle. C'est con. N'importe quoi. Ah, moi ça m'arrive de dire. Non, continue. Mais oui, bien sûr. Mais ah bon. Et Sarah, je pense que tu dois le faire mal. Hein. Ouais. Mais comment tu t'y prends? Parce que après, c'est facile de dire de faire mal. Il y a des mecs mal, mais... qui aiment pas ça. C'est vrai. Peut-être qu'il aime pas ça, hein, c'est y a vrai. Des mecs qui aiment pas ça. Il a raison. J'ai du mal. C'est peut-être pour ça qu'il réclame pas non plus. Il réclame pas. Mais ouais, non, il réclame pas, alors c'est peut-être ça. Alors. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est qu'il aime pas trop? Ouais. Mais parlez-en, déjà. Il réclame pas, c'est qu'il aime. Ouais, mais j'ai trop peur qu'ils me disent maintenant, mais en fait, j'aime pas quand tu me dis avant, j'aimais ça. Mais chérie, excuse-moi, en théorie, les mecs adorent se faire une gâterie. Mais il y en a plein qui devant aiment la pas télé, ça, je dans crois. La bagnole. Si le mec ne te le réclame pas, c'est que tu dois faire ça mal. C'est-à-dire qu'à la limite, tu lui fais, il doit faire oh, t'es sûr là, oh. Là, on pourrait dire aux hommes qui nous écoutent, qui n'aiment pas ça, qui nous appellent. On n'a jamais eu un témoignage d'un mec qui n'aime pas ça. Mais je pense qu'il y en a plus qu'on le pense, qui sont pas fans de ça. Mais ils osent mais pas Pierre, le dire, je crois qu'il a pas l'air très fan. Si, moi j'aime bien, mais faut pas que ça dure des heures, c'est tout quoi. Faut que ce soit bien fait quoi. Oh, des heures, non, même pas, je suis pas difficile. Ça devrait pas durer longtemps. Toi, tu fais pas ça pendant des heures. Je suis rarement tombé sur les filles qui faisaient mal, on peut dire mal. Non, mais c'est juste qu'il faut pas que ça dure des heures. Au bout d'un moment, ça me saoule. Oh, ouais, mais bien. Tu fais des fois juste ça quand même, non? C'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Ouais. C'est quand même moi, c'est mon petit plaisir ça. Ah ouais? Ah, juste ça, c'est le petit plaisir quoi. En voiture? Ça peut être en voiture, ça peut être en voiture, oui. En faisant la queue à la poste. Ah, c'est sympa ça. En allant chercher les enfants à l'école. Oh là là, encore quel mieux. Bonheur. Oh là là, quel bonheur. Également partout, sans gêne, il n'y a pas de souci. Non, Sarah, je pense qu'il faut que tu vois. Je pense qu'il y a un problème. Non, mais ça vient peut-être de lui, hein, pour le coup. Hein. C'est peut-être pas elle. Ouais, je le premier, Nadia. Le premier, tu sais plus comment. Est-ce que il... t'aimes vraiment le mais faire? Mais non, mais le premier, je m'étais pas posé la question ouais, parce que c'est notre première fois. Et puis, mais il te demandait. Voilà, enfin. Ah oui, oui, il me demandait. Il n'y avait oui. pas de blocage. Non, non, non, lui, il me demandait. Alors après. Et est-ce que pendant, premier, il faisait aïe. Mais non, il disait. Et est-ce que tu l'as fait jouir au moins jusqu'au bout en le faisant? Alors mon nouveau, non, mais à chaque fois il me dit arrête, on fait l'amour. Voilà. Donc à chaque fois il me stoppe. Ah ouais, ouais. Voilà. Ah là là. Et celui d'avant? Ça plairait pas. Et celui d'avant, lui, il éjaculait très vite. C'est déjà bon signe. Mais pas que sur les fellations. Il éjaculait très vite tout le temps. Donc je ne sais pas. Par référence, tu ouvrais la braguette et eh, c'est gros problème, ouais, ça, les mecs qui font vite. Hein, quand même. C'est gros problème. C'était combien de temps? De quoi? Il durait combien de temps? Ah, bah vraiment pas longtemps. C'est-à-dire? Vraiment, vraiment pas longtemps. Je pense que si on avait mis un chrono, on était sur 1 minute 32 minutes. Oh, non. Ah ouais, c'est chaud. Mais moi, les filles. Alors, les filles ouais, je sais pas comment vous faites. Monde, fois, mais à l'inverse, t'as les mecs qui n'éjaculent pas très facilement. Non, mais il y a une différence entre le mec qui est un peu long, qui met 40 minutes, et la nana, et le mec qui met 1 minute 30. 1 minute 30, c'est l'enfer pour vous, les filles. Ça commence à peine, et hop, c'est fini. Eh, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, mais moi, j'ai connu un mec, pour le coup, qui n'éjaculait pas tout de suite. Genre le lendemain, heures, c'est le lendemain. Il te rappelait le lendemain, pour dire, est-ce que je peux juste faire la fin? Non, mais genre au bout de deux heures, quoi. Il fallait vraiment, vraiment, vraiment, on vraiment au bout de longtemps. Non. On le connaît pas? Non. Ah bon? Ah, c'est un ex. Et ça chauffe au bout d'un moment. Hein. Ça fait mais il y a un moment donné, oui. Oui, ça doit faire mal quand même. Ça sentait pas le cramer un peu, Julie? Bah, des fois, il est. J'ai mis une casserole d'eau froide pour refroidir la machine. Comme au sauna, tu sais. Non, mais des fois, il éjaculait pas. Il finissait pas. Et du coup, tu devais. C'était quoi l'excuse? Quoi, c'était quoi l'excuse? Bah oui, pour lui, bah, ça venait pas. Tu devais être vexé, genre ouais, à base de je t'excite pas, c'est ça? Au début, j'étais vexée, après, je me suis faite. Non, mais ça arrive, hein, moi aussi, ça m'arrive souvent. Enfin, souvent. Mais moi, ça m'arrivait quand j'étais fatigué. Genre, t'es fatigué, tu commences à faire l'amour, hein, et tu sens que ça va être long, et tu dis, bon, hey, on remettra ça demain. Parce ah, que... mais tu donnes de ta personne, t'es là, et tout. Non, mais t'es mort. Il y a un moment quand t'es mort, ouais, quand t'es un mec. Rien. Vous, les filles, quand vous êtes fatiguées, vous pouvez, entre guillemets, vous laisser un peu faire. Mais nous, un mec, quand on est mort, et qu'en plus de ça, il faut se mettre en position et tout, c'est l'enfer, c'est une tannée. Ouais. Faire l'amour, ça peut être une corvée. Hein. Ça peut être une corvée. T'as pas envie, tes machins, tes trucs, t'es crevé. Ça peut être vraiment une corvée. Oui, mais t'abrèches quand c'est comme ça. Ouais, mais t'abrèches si, si, si, t'as, ah ouais, si après, ça vient. Ouais. Si t'es vraiment crevé, ça vient pas tout de suite. Ouais, et ouais. Tu dis, oh, on verra demain. Oh, ça va. T'arrives pas à gérer le ça sinon le dire à penser à un truc des trucs déclencheurs, tu te dis ouais ça va durer trop longtemps et t'as un truc et bam. Non Pietre. Non. Toi tu as tu vois quoi j'ai des trucs quoi, de quoi, quoi hein bah, je pense à des potes. Un but de Zlatan. Un but de Zlatan. Voilà. Là, généralement ça vient. Hein. Non mais c'est si on a toujours on a tous des trucs comme ça. C'est quoi toi mais c'est quoi vas-y dis. Vous le dire. Oh c'est quoi c'est mon jardin secret. Toi je suis sûr. C'est mon paradis secret. Toi je suis sûr que c'est une autre nana avec vous et des gens qui vous battent. Non, ça dépend. J'ai plusieurs trucs. Ça dépend. Genre, même, ça change. Ça change. J'ai des périodes. Les garçons. Bah non, mais tu penses à oui, tu penses à autre chose. Jérémy, tu penses à quoi toi? Mais moi, j'ai pas besoin de ça. L'amour de sa femme. Non mais et de faire un nouvel enfant. Il a une vie parfaite. Si, au pire, peut-être un plan à trois. Oh. Ouais, peut-être. Ouais, avec ça. Moi, je suis dedans ou pas? Je suis désolé, non. Avec une autre nana. Ah, c'est con. On se ferait des bonnes vannes. Ah mais moi je suis plus avec un autre gars, hein, vous le savez, hein, je suis chelou mais ouais, c'est bizarre. Enfin, mais voilà. Tu veux pas m'épouser Jérém, un message de toi un week-end, je viens. T'es sérieux? Un message de toi genre Coco, tu peux venir? J'arrive tout de suite, chevalier servant. Non, il a dit qu'il accepterait que Coco. Pas... Mais je peux non, j'accepterais que un inconnu. Mais je peux pas partout. c'est un inconnu hein. J'en connais pas d'autres de très connus, mais bon. Yeah, bon, allez, je te fais un gros bisou, ma Sarah, mais te prends pas trop la tête. Mais si jamais l'autre y venait vite, ça veut dire que quand même tu te débrouilles bien. Ouais, ok, bon bah j'espère. Et c'est peut-être pas son truc à ton gars. D'accord, je te fais un gros bisou. Et envoyez-nous un mail, les mecs qui n'aiment pas la fellation. Ah ouais, ceux pour qui c'est pas votre truc ou ceux vraiment qui sont tombés sur des nanas qui le font très mal, dites-le nous. Koyatenergie.com. Qu'est-ce qu'on écoute, Jérémy? Eh ben on écoute Ritza. On aime bien ça. Ah, Walibi, on l'emmène avec nous en Belgique. Il fera l'émission, il fera les attractions. On va se faire des vidéos et des snaps, vous allez kiffer. Suivez-moi. Ah oui, il chantera parce qu'on aura une scène là-bas. Il va chanter trois chansons. Ça va être bon. Trois chansons. Ah, c'est l'émission Ritza. Ça y est, c'est parti. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance. Désormais, je m'en fous. Et j'avance. Tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire. Ouais au fond, je m'en fous. Le bac philo, c'est quand? Oh là. C'est demain, ça sent bon. Et le mercredi. Ouais, j'imagine bien mercredi, moi, le bac philo. Ouais, ça pue le mercredi. Ouais. Voici un philosophe ou un coup de livre de philo sur la tête. Je vais vous donner des noms de philosophes, personne n'aide. Et le public, les uns après les autres, vous commencez par me donner votre prénom. Je vous donne le nom du philosophe, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est un vrai philosophe, si c'est ou un pas. Vrai philosophe. Si c'est faux, vous êtes trompé, vous prenez un coup de Zanabak philosophie sur la tête. Quel est ton prénom ? Adam. Ça va, Adam ? Très bien. Personne n'aide. Eliyafa. Ah, faux. Absolument, bonne réponse. À côté, mademoiselle, on y va. Descartons. L'Odine, déjà. Oui, bien sûr, oui. Descartons. Oui, bien sûr, oui. Descartons, bah oui. C'est Descartes. Descartes. Pas Descartons. Allez, à côté, mademoiselle, le prénom ? Eva. Ça va, Eva ? Oui. Allez, on enchaîne du tac au tac comme ça. Aristote. Vrai. Vrai, absolument. À côté. Toc Tocqueville. Nicolas, Toc Tocqueville. Faux, absolument. Ouais. Attention, Spinoza, vrai ou faux ? Juliette. Juliette, Spinoza. Faux. Faux, bah voilà, c'est vrai. Oui, allez, bim, on y va. Attention, mademoiselle, le prénom ? Alicia. Alicia Liebig. Vrai ? Vrai, oui. Bah oui, c'est une soupe, bien sûr. Allez, bam. Allez, on y va, le garçon, le prénom ? Cédric. Freud. Vrai. Absolument, bien joué. Mademoiselle, à côté, le prénom ? Alexandra. Alexandrie. Maître Cantère. T'as dit quoi ? Maître Cantère. Non. Non, c'est qui ? C'est un ? Je sais pas. Un avocat ? Non. Maître Cantère, c'est qui ? Je connais pas. C'est un avocat qui a fait des choucroutes. Voilà. Très célèbre. Et de la bière. Il est alsacien. Ah, derrière, on passe derrière. Le prénom ? Hop. Oh, une jolie jeune fille. Eva. On y va, vite, le prénom ? Eva. Eva, Bolos. Faux. Non, c'est vrai, Bolos de Mendes. Oh, c'est un philosophe. Ben, le garçon à côté, on continue. Lévi-Strauss, vrai ou faux ? Faux. Bah oui, c'est vrai. Allez, boum, là sur la tête. On y va. Le garçon d'à côté. Angel Di Maria. Allez, à côté. Angel Di Maria. Faux. Oui, absolument. C'est un footballeur. À côté, Jean-Pierre Danic. Vrai ou faux ? Vrai. Bah oui, tu penses bien. C'est Jean-Pierre. C'est allez, on y va. Allez, sur la tête. C'est énorme. Allez, on y va. Mais je suis philosophe. Nina. Bouffon. Vrai ou faux ? Bouffon. Bouffon. Bouffon. Vrai ou faux ? Hein ? Vrai. Oui, absolument. Michel Onfray. Vrai ou faux ? C'est un joueur de foot aussi. Oh, Michel Onfray, vite. Faux. Eh ben c'est vrai. Bah, à côté. On y va, t'es prêt ? Héraclito, vrai ou faux ? Faux. Mais si, c'était. Non, c'était faux, elle avait raison. Mais tu t'en es pris un, deux trous sur la tête, mademoiselle. Excuse-toi, Laurie, s'il te plaît. Et si tu fais lui un bisou, reste avec nous pour la suite. On se fait des bisous tout à l'heure. On aura un groupe qui va venir, Walking on Cars, qui sera là juste après. À tout de suite. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. News. Justin Bieber, Selena Gomez, Beyoncé, Luan, Pharrell Williams, Maître Gims à Carcassonne, Rihanna en Norvège. Dès que vous entendez le double hit énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar énergie préféré. Les plus gros concerts de l'été en France sont des concerts. Énergie. Hit music only. Leclerc. Maman, la lessive liquide extra, c'est vendu en pack de 3 maintenant ? Oui, chez Leclerc. Mais sur 3 flacons, t'en as un gratuit. En plus, ce pack est un produit partenaire du jeu La Ligue des Supporters. Et pour 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un sac de sport. Ah, oh, c'est cool ! C'est parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 3 flacons de lessive liquide extra 43 lavages, variété au choix, est à 11,95€ le lot, soit 1,32€ le litre. Voir modalité dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Un jeu qui fait le linge plus propre et moins cher, c'est top ! Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Et si on parlait Renault Service ? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end. Mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé. Mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli. Voir conditions sur Renault.fr. Énergie. Énergie présente Énergie Extravagance à l'Oglis Park le 18 juin avec Sam. Le samedi 18 juin, les stars et DJ Énergie viennent faire la fête avec vous dans l'un des plus grands parcs aquatiques de France en Vendée. Retrouvez Oriska, Sound of Legend, Boosty, Unique et Souf. Énergie Extravagance à l'Oglis Park le 18 juin. Surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc ? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial ! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Voir modalité sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides ? Quoi ? J'ai des rides, moi, maintenant ? Ce soir, Walking on Cars s'installe chez Koei sur Énergie. Vous ne les connaissez peut-être pas, ou alors vous en êtes fan. Ils sont en tournée en ce moment partout en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas. Ils s'arrêtent chez nous pendant quelques jours. C'est bien ça, non? Il s'appelle Walking on Cars, qui veut dire marcher sur les voitures. Tout à fait. Ah, t'as vu comme je te viens. Ouais, alors, comment? Bonjour, on en a deux, hein, les autres oui, sont déjà en position. Ils sont 50 en tout. Hello, les barbus. Bonjour, hello. Beautiful. Hello, bearded men. Hey. Hey, tu crois qu'ils pourraient faire la coupe de GQ ou pas? Merci, oh, je merci, voilà, Julie. Non, mais c'est. On la met de côté, celle-là. Ouais, je vais regarder. Ça le faisait, hein, je suis désolée. Hein. Plus. Hello, bonjour. Hey, bonjour. Fine, ça me fait plaisir. C'est vrai que vous êtes tous des amis d'enfance de votre petite ville. You guys are all childhood friends from your hometown, right? That's correct, yeah, yeah. Absolument. Comment yeah. s'appelle la ville? What's the name of the town? Dingle. It's a small... Dingle, en Irlande. Yeah, small town in the southwest of Ireland. Vous avez bien dû vous ouais, faire chier. Dans le sud-ouest, he says you must have really been bored. That's why we started ouais. playing music. Bah, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire de la musique. Voilà. Et la bière. And beer. Oh yeah. Oh yeah. We have a few local spots. Right. Oui, ils ont quelques endroits locaux. Oui, mais bon. L'Irlandais a toujours des endroits pour se poser. Oui. Je vais regarder Dingle. Dingle. How do you spell it? D-I-N-G-L-E. That's yep. correct. D-I-N-G-L-E. Ouais. Dingle. I Google it. Dingle. I Google it. I Google it. He's googling. I'm going to predict that you will find oh là là. Information about dolphins. C'est un petit truc de pêcheur. Alors, elle prédit que tu vas trouver une info sur un dauphin. Fungi. Ah. Non, j'ai des photos non. du port de Dingle. There's oh, pictures yeah. of the hey, port. Aussi. Moi j'ai le dauphin. Ah t'as le dauphin. Voilà. Et dauphin qui s'est perdu. Why is there a dolphin? What's so famous about the dolphin? He is famous because he's on his own. Normally, dolphins go in a band, like yeah. En général, les dauphins se déplacent yeah. en bande, et celui-là, il est célèbre parce qu'il est tout seul. But he's been in the harbor for the past 30 years. Ça fait 30 ans qu'il traîne yeah. dans le port de Dingle. Ah ouais, solitaire. Et ouais. il est perdu aussi. Maybe he's lost. Mais ça a l'air très très beau, Dingle. T'as dit, excusez-moi, it looks very pretty. Says. Yeah. It is. Non, c'est joli. Faut aimer le poisson, j'ai l'impression. Vous avez dû bouffer beaucoup de poissons. Hein. You like fish? You eat oh, a lot of fish? Yeah. Well, actually, Patrick is allergic. I'm allergic to fish. Ah, yeah. Patrick, il est allergique, dommage. Dommage. Mais son père est pêcheur, par contre. Ah bah oui. Ah oui, bah, c'est logique. Ah mon pauvre, comment on peut être allergique aux poissons? How are you allergic to fish? I don't know, man. My father is a fisherman, I'm allergic to fish. Ouais, voilà. Makes no son sense. Père est pêcheur, il est allergique aux poissons, il n'y a pas de sens. Mais on a prévu un truc avec des sushis. We have a game with sushi, what are we going to do? Each other. Et si on se finissait l'émission avec le titre, alors, parce qu'ils sont amis d'enfance, mais alors ça a été quoi le passage ensuite pour faire de la musique, c'est yeah, quoi? How did you guys go from being childhood friends living in the same town to basically being here performing today? Et puis pour arriver dans le top 10 européen surtout. And being in the European top 10. C'est la seule info que j'avais. Merci, Kat. So, a few years ago, it was kind of at the height of the recession at home in Ireland. We didn't have much going on. We were working part-time jobs. We started playing tunes. At the start, it was just to our family and friends. They were the only people that would come to gigs. And we just built up from there, toured around Ireland. And now we're touring around Europe. Alors, en fait, il y avait une grosse crise en Irlande. Donc, globalement, ils ont commencé un petit peu à jouer de la musique comme ça entre eux, pour leur famille, leurs amis, qui étaient le premier public. Et petit à petit, ça s'est construit comme ça. Ils ont commencé à partir en tournée en Irlande et aujourd'hui, ils sont arrivés là. Voilà. Ready for the live? On dit comme ça? For the performance? Yeah. Pour, non, mais for. J'ai dit for. Ah, j'ai compris. Pour. Ready non, for merci, the performance. Il a dit for. Il a dit for. Ready? Un peu d'espagnol, quoi. Ok, let's go. Yeah. L'album va s'appeler. Si, il est déjà sorti dans un certain nombre de pays. Il sera en France à l'automne. Il s'appelle Everything This Way. Yes. D'accord. L'accent est bien. Ouais, l'accent est bon. L'accent est bon. Il est bilingue. Je suis jamais allé en Irlande. Il y en a qui sont déjà allés dans le public en Irlande et tout. Jamais, non? Ah ouais? C'est joli ou pas? Il pleut. Ouais, ça, à mon avis, ouais, c'est vert. Hein. J'ai vu des photos, c'est très très vert. Hein. Est-ce qu'ils vont aller voir leur pays? Ils ont deux équipes, je crois, pour l'Euro. Pour l'Euro, ouais, il y a deux. Ouais. Deux pays. You guys have non. Two teams bah, playing the Euro. Are you going to watch the games? Yes. Yeah, we were there. We were at the Ireland game yesterday. Ah bah ils étaient déjà au, je veux dire, au match hier soir. Ah bah voilà, ah bah voilà. Attends, c'est normal, oui, ils soutiennent. Faites beaucoup de bruit sur nos invités Walking on Cars sur l'énergie. On termine avec eux, écoutez, en live. So if I stand in front of a speeding car, would you tell me who you are, what you like? Don't you mind if I get it right? You're how I love that no one knows. And this secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again. You play pretends like it never ends. You're how I love that no one knows. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. To the safest way to go, nobody gets hurt. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. You go back to him and then I go back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you give your little heart, say the word, I'll do it too, just me and you. This way everyone will know, cause this secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again. You play pretends like it never ends. You're how I love that no one knows. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. This is the safest way to go. Nobody gets hurt. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. You go back to him and then I go back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you tell me who you are, what you like? Don't you mind if I get it right? I would love that no one knows. And this secret's all that we've got so far. Advertise my secret, I don't really need it. Yeah, I know you can feel it. So advertise my secret, I don't really need it. I know you can feel it. So advertise my secret. To him and then I'll go back to her. Ah, j'avais envie de commander une pinte de bière au pub local. On était en Irlande avec le groupe Walking on Cars. Merci beaucoup, restez là. On vous laisse avec Guillaume et nous on revient demain. Ouais. Au revoir, demain. Allez, le clip à Sougoulet. Ça Sougoulet, ça Sougoulet, ça Sougoulet. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Où que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse et partout dans le monde. Guillaume Radio 2.0 est avec vous tous les soirs de 22h à 1h sur Énergie. Allez, on est parti sur Énergie, il est 22h dans une minute et... On se fera momie tout à l'heure. Aloha, on est en direct nous sur Énergie comme chaque soir. À 22h, on arrive. arrive à 10h du soir. On se retrouve pour terminer la journée. Il fait un petit peu jour d'ailleurs encore, vu qu'on est au mois de juin là. Portugal, Islande en direct. Le score est exactement, Julien le stagiaire de l'émission, de 1-0 pour le Portugal et c'est la mi-temps. Voilà, ceux qui suivent le match ce soir, il est devant. Ça va, ouais. Guillaume du Standard? Salut Guillaume, ouais, ça va super. Ouais. Bonsoir à l'équipe, bonsoir à Mina du Standard. Oui, salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien, Mina du Standard? Oui, ça va. Ça va, t'as passé une bonne journée? Oui, très bien. Là, je suis le foot parce que j'ai fait un pari pour gagner de la nourriture gratuite. Vous gagnez quoi? De la nourriture pendant un an. C'est-à-dire? Bah, en fait, tu fais des pronostics et si t'as bon, bah, en fait, ils te livrent de la bouffe tous les jours pendant un an. D'accord, ok. Voilà. Et tu payes? Non, c'est un concours. Ah oui, c'est une sorte de jeu à la con. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent, donc. Ah, c'est vrai, ouais. Faites des chances. Ah, ouais, t'as mis combien pour ce soir? J'ai mis 4-1. Ah, jamais de la vie. C'est possible. Ouais. 4-1 pour qui? Pour le Portugal. Non, mais c'est terminé. Il est 21h59. C'est la deuxième mi-temps qui va commencer. Non, même pas encore. C'est quoi la mi-temps là? Oui, c'est la deuxième mi-temps qui va commencer. Oui, voilà, ouais. Donc, on dit la même chose. Pardon. Non, et donc, du coup, ouais, pour l'instant, c'est moi, je prends match nul par contre. Coucou, une dédicace à 4ème F du collège de Villars-les-Lans, à Camille, Lola, Juline et Charlie. Julie et Charline, pardon. Continuez comme ça, c'est parfait. Bah, bonsoir à toi, mon poteau. Purée, 2 minutes d'avance, il va pleuvoir. Merci pour la vidéo sur YouTube. Quand j'y croyais pas qu'il y avait un acteur de Plus belle la vie, je t'avoue, j'ai un peu honte de m'envoyer trop chelou, mais je vous kiffe. Salut Amandine, 27 ans de Somme. Gros bisous, Amandine. Ah, je m'en rappelle. Et bon, on t'embrasse comme vous tous d'ailleurs en direct. Il y a eu des matchs tout à l'heure. Autriche-Hongrie qui a joué cet après-midi. Il y a eu 2-0 pour la Hongrie. Ouais, grosse surprise. Pour le match, l'Italie qui a gagné 2-0 contre la Belgique hier. Les Suédois qui ont fait match nul contre l'Irlande. L'Espagne qui a gagné 1-0. Et demain, la République tchèque. Et les Bleus demain les Bleus. À 21h. Allez, les Bleus. À Marseille. Et ouais, exactement, à Marseille. Et ouais, exactement. Contre l'Albanie. On va suivre le match. Ouais. Donc, stagiaire, tu penses qu'il y aura combien demain? Moi, j'ai mis 4-1 pour la France. Ah oui, grosse victoire demain. Ouais, ouais. Il y a la Suisse aussi demain. Ça veut dire qu'on va être au moins en 8ème de finale. Là. On sera qualifié, mais après, ça dépend soit premier ou deuxième de la poule. Ouais. Salut l'équipe. Moi, je reviens de l'IRM pour ma cheville. Gros bisous à toi. Et ben, si vous voulez balancer un petit message, une petite dédicace, on est ensemble. Vous me balancez juste un petit texto. Il faut commencer par Guillaume, le texte. Voilà, Guillaume et le message avec votre numéro de téléphone, si vous voulez que je vous rappelle dedans. Et vous l'envoyez au 6-11-12. On fait de la radio ensemble. Soit il y avait Anne qui est là. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bonsoir. Je me parce que je vais trop gamberger. Et pour tous les fans du rappeur Jul, il sera avec nous jeudi soir. Ouais. La seule émission de radio et télé qu'il fait, il viendra faire une bise jeudi soir sur Énergie à partir de 22h. JM du Standard, tu pourras faire le signe des mains de Jul. Je crois que je vais acheter le t-shirt et tout exprès. C'est vrai? Non, j'en sais rien. Non, mais ouais. C'est un joueur. C'est un vrai fan. J'aime ça parce qu'il vient de Marseille, le rappeur. Ouais, moi je kiffe. Ouais. Et depuis le début. Et donc, je parie sur un malaise, moi, quand même. JM du Standard va se mettre à crier comme ça. Bon, je te pose aucune question, Anne. Tu voulais vraiment rester incognito? Oui, tout à fait. Par rapport à ce que tu vas raconter, ça se comprend. Mm-hmm. Donc, je te poserai aucune question sur ta vie. D'habitude, je fais des blagues, je fais des machins. Je ne poserai absolument aucune question. Je sais juste que c'est toi qui as inventé le mec qui se dit bon en imitation et qui te fait que des opinesses de Homer Simpson. Mais à part ça, je sais rien du tout. Donc, dis-nous un petit peu pourquoi t'appelles, Anne. Alors, moi j'appelle parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai entendu à la fin de l'émission, en fait, de Coé, qu'il disait qu'il avait entendu un sondage qui apparemment prouvait que les mecs qui font des cunis à leurs copines, c'est pour les garder fidèles. Ouais. Et enfin, moi je sais pas. J'ai vu ça, t'as vu ça où toi? Bah, c'est mardi dernier, c'est le dernier truc qu'a sorti Coé juste à la fin de son émission. Ouais, j'ai vu ça sur Metro News. Enfin, parfois il y a des articles sur internet, ça me dit quelque chose aussi. Moi après je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça personnellement totalement stupide parce que enfin moi par rapport. Alors toi t'es comme ça, t'arrives 22h, on parle de cul direct. C'était pas du tout le sujet de la boîte au départ. Là y a pas de problème. Je comprends. Et plante le décor avec le poteau quoi. Il n'y a pas de problème. En fait, je croyais qu'on n'avait pas du tout parlé de ça. En plus, c'est pas du tout ce qui a marqué sur la film. Enfin bon. Elle aime ça, apparemment. Non, mais après, en fait, c'est pour. Après, on a rebondi au standard sur un autre truc. Mais alors, à la base, c'était sur ça. Et après, c'était. Bah, par exemple, moi, je suis mariée depuis 5 ans et je pense être mariée avec le roi du Cuny. Ça m'a. La couronne. C'est vrai, attends, pourquoi tu dis le roi du Cuny? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait vraiment si bien? Ah, mais mon mari, il est juste. C'était incroyable. J'ai jamais eu un homme qui m'a fait grimper au rideau aussi vite et autant de fois en 10 minutes de Cuny, quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, la chance, écoute, c'est pour ça que c'est ton mari. Pour ça, franchement, j'ai de la chance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas pour ça que bah, il m'est arrivé d'être infidèle. Donc voilà, c'est pas, c'est, enfin pour moi le cuni et la fidélité, bah, ça oui, n'a bah... strictement aucun rapport. Ah, t'es pas resté fidèle malgré, d'accord, tu vas voir ailleurs quoi. Ah ouais. Il arrive à te bah, faire éjaculer ou pas? Attends, moi. Est-ce qu'il arrive à te faire éjaculer? Genre, est-ce que t'arrives à jouir et à éjaculer avec un bon cuni? Genre Fontaine. Ouais. Ah non, moi je suis pas femme fontaine. Non, mais là, il paraît que toutes les femmes peuvent être fontaines. Après, avec la langue, c'est ouais, sûr. Non, si c'est bien fait, ouais. Non, non. Bah écoute, non, mais alors, écoute, c'est qu'il est fait bien, mais voilà, bon, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas forcément mieux ou moins bien, mais il paraît qu'il y a une technique pour faire jouir. Il est fait avec un pour faire éjaculer les. Ouais, apparemment. Et alors, attends, donc raconte, Anne. Donc toi, tu l'as trompé beaucoup de fois, c'est ça? Oui, au début de notre mariage, oui, parce que bon, j'étais plus considérée comme une maman parce qu'on a deux enfants, ouais. Et je sentais plus du tout comme une femme en fait. J'étais une maman à la maison et du coup, bah après j'ai rencontré ma meilleure amie et qui a commencé à me faire sortir et puis bah là, c'est vrai que quand on a des garçons qui commencent à nous regarder et puis bah voilà, on rentre dans le jeu et moi j'ai toujours été très séductrice et j'aime le jeu de la séduction, c'est quelque chose que ouais, t'es une infidèle quoi, t'es une joueuse. Oui, ouais, bah j'ai toujours t'es une joueuse, t'aimes bien draguer. Quand je fais le bilan de ma vie, oui, en fait j'ai jamais été fidèle à un seul de mes... Oh là là. T'es plutôt jolie physiquement, t'es comment toi, Anne? Je ne saurais me décrire, je sais pas. Ah, tu sais très bien. T'es plutôt jolie ou plutôt moyenne? Moyenne. Moi, je me considère comme moyenne. Bah, t'as une belle voix déjà. J'ai deux enfants, donc du coup, j'ai un corps que j'ai du mal à accepter maintenant. Mais tu sens le cul un peu? Tu sens le sexe, ça? Ben, genre, est-ce que... Moi, j'adore ça, moi, j'adore ça, donc... Ouais, là, c'est dingue. J'espère que ton mari n'est pas... Combien d'hommes t'as eu dans ta vie? Je parle sexuellement, hein, à peu près. Franchement, je sais. Non, mais à 100 près, on s'en fout. Ah, non, mais tu vois, au sens large, quoi. Je sais pas. Franchement, je pense en avoir eu une bonne trentaine. Ah bah ça va, Mais t'es marié depuis combien de temps? 5 ans t'as dit? Depuis 5 ans, oui. 5 ans à peu près, voilà, je précise. Ouais. Et rien que mon mari l'ait trompé 7 fois. Ah ouais. Après en 5 ans. C'était pas bien. Attends, c'est son mari, c'est ouais, pas son... en 5 ans. Il y a un mariage quoi. C'est ouais, c'est vrai. Ouais, oui, il y a voilà. Un mariage. Pas, je sais pas. Mais si un mariage ou pas mariage, c'est pareil. Non mais si un mariage ou pas mariage, à partir du moment où t'es en couple tout court. Bah oui. Pas besoin de se marier. Ça veut dire que dans ce cas, tant que t'es pas marié, tu peux tromper. Bah oui. Bah, c'est moins flagrant. Enfin, attends, c'est pas forcément. Salut Guillaume, coucou mon bébé Lucie, Célestin, Pierre, Kenya, Pauline, les bestes et à ma classe 5ème C. Salut les potos. Salut. Et juste petite pause pour dire que vendredi, on vient vous voir à Rennes. On se fait un meet-up, une rencontre à la Fnac de Rennes, venez tous à Fnac de Rennes. On sera là. Vendredi après-midi de 16h à 19h30 au centre commercial Columbia. C'est à la place du Colombier à Rennes. Voilà, 16h-19h30. Il n'y a pas besoin d'avoir de tickets, il n'y a pas besoin d'avoir de livres ou quoi que ce soit. C'est on se fait juste une rencontre dans la Fnac, donc on se fait juste les bises là-bas. Là. On se fait des selfies, on se rencontre, on parle un peu. Ça permet de savoir un peu à qui on parle et comment on fait l'émission. Donc voilà, 16h-19h30 à Rennes. Ensuite, on prend la voiture le soir, le lendemain matin, le lendemain midi, on est à Caen. Ouais. Midi à 15h, samedi, à la Fnac de Caen, au centre Paul Doumer, rue de Bras. Et ensuite à Rouen, dimanche soir. Il y aura Kinvé avec nous. Ah cool. Il sera là. Staline, ton destin, personne. Elle se sentait laissée. Sans elle, s'ennuie et passe ses journées à pleurer. Donc dimanche à Rouen, voilà, 20h à minuit avec Kinvé notamment qui passera faire une bise, j'ai vu là 19 rue de l'Aubette, voilà, ça sera porte ouverte. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus. On fait l'émission à la cool quoi. Moi qui ne kiffe pas les cunis, je ne suis pas dans la merde. Bonsoir le fourbe 2.0. Ah bah, faut aimer hein. Moi je suis pas non plus un grand fan hein. Ah moi non plus. C'est pas est-ce que c'est de l'égoïsme un peu? Bah oui, ah, c'est relou. Non mais je crois qu'il y a des filles qui aiment vraiment faire des fellations, tu sais. Parce que tout le monde a envie de Ah non mais c'est parce que toi tu as des standards. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop grand berger. Tôt ou tard les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Tu me vois bien, je me laisse aller. Parce qu'Amina dit ça, tu crois que parce que toi tu n'aimes pas, tout le monde, toutes les filles n'aiment pas. J'ai pas dit ça, mais c'est pas ton dada quoi. Il y a des filles qui sont goulues. Hein. Ah oui, mais il y en a qui font que ça. Il y a des filles qui sont goulues. Elles font ça pour te faire plaisir. Non, il y en a qui font pas ça pour te faire plaisir. Il y en a qui font ça et elles prennent du plaisir à le faire. C'est des suceuses un peu. Elles ont envie de sucer. Elles kiffent ça, bien sûr. Parce que le plaisir du mec procure un plaisir à toi. Mais tu vois, tu disais, t'aimes pas trop les cunis. Il y a plein de mecs, mais il y a personne. Il y a pas une fille qui va dire ouais, c'est ma passion dans la vie. Je l'ai mis dans centre d'intérêt sur mon CV. Ah si, si t'es une actrice porno, oui. Moi je connais des filles qui elles adorent sucer. Et elles préfèrent même ça que faire l'amour. Elles peuvent te sucer toute la journée. Oui, mais pour moi, c'est de la générosité. C'est pas un plaisir perso. Absolument. Non, mais pour toi, mais t'as le droit de te tromper. Chacun sa vision. Non, elle a pas le droit de se tromper. Elle est pas sûre d'avoir le droit de se tromper. Non, je suis pas d'accord. Et non, mais t'as le droit de pas être d'accord, mais t'as le droit de te tromper. Parce que moi, si je te dis que j'ai des filles qui aimaient ça, et j'ai rencontré des filles qui aiment ça. Mais c'est sûr. Et heureusement. Et c'est comme tu vas me dire des trucs sur des mecs. Autant moi, j'ai jamais couché avec deux mecs, donc je me rends pas compte. T'auras peut-être plus d'expérience, mais moi, au niveau des filles, j'en ai plus que toi, j'imagine. Mais j'ai des copines qui sucent beaucoup aussi. Et qui se ressemble, ça sort. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché. Les suceuses du 7-8. Vous pouvez les retrouver sur le bon coin. C'est dégueulasse, n'importe quoi. Ils ont mis une annonce, c'est un meuble, et en fait, dans le titre, c'est marqué dessus. Pas du tout, mais ça les dérange pas, mais après, c'est pas non plus. Salut à toi, tu trouves pas ça bizarre que l'attentat d'hier ait eu exactement 6 mois, jour pour jour, presque 1 pour 1 avec des attentats de novembre. Ah, j'ai pas fait attention. C'était un mardi 13. Lundi 13, pardon. Ouais, je crois que c'était pas. Salut Dorian du 37. Bah, bizarre, je sais pas si ça veut dire bizarre pour toi, mais c'est de toute façon bizarre ce truc, hein. À Rennes aussi, il y a eu un mec qui a attaqué, qui voulait tuer. Il a poignardé une fille. Pour le ramadan, tuer une fille à Rennes. Putain. Relou quoi. Et apparemment, elle est dans un état grave quand même. Ah ouais, la pauvre. Ouais, mon courage hein, si vous la connaissez, les potos là. Super content de vous écouter chaque soir, vous me faites trop rigoler. Je suis l'admirateur secret d'Amina, du standard. Salut. Salut à Jules qui écoute l'émission, qui est fan de vous, qui est à l'hôpital, qui a fait un arrêt cardiaque. Oh bah merde. Mon courage. T'as pas laissé ton numéro, mais fais-lui un bisou de ma part du coup si jamais vous allez le voir et tout là. Salut à Chasse-Neuil dans la Vienne. Je vous kiffe, continuez comme ça. Salut Antoine du 86. Et au collège Sacré-Cœur à Capucine, Victor, Louis, Lucien. Et continuez, vous gérez. Bah, salut à tout le monde. On se fait momie. Il y a Drake. Et toi, tu l'as dit à ton mari, tu l'as trompé d'ailleurs, Anne ou pas? J'ai failli me faire griller. J'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai qu'arrivé à un moment, j'étais prête à le quitter pour aller avec quelqu'un d'autre. Ah ouais? T'aurais dû lui dire d'écouter la radio ce soir. Bah non. Mais t'as un peu le vice dans la voix. Ouais, ça se sent. Ah, t'aimes ça un peu. Maintenant que tu me le dis, t'as le vice un peu. Moi, j'aime le jeu de la séduction. C'est un truc que j'ai toujours aimé. Et là, du fait que mon corps a beaucoup changé aussi, j'en joue. J'essaye de me rassurer là-dessus en disant que ouais, ça marche encore malgré le corps. Ouais, que... Non mais ça, je comprends. On a besoin. Non, ça s'appelle le besoin de séduire. Besoin, voilà. Bah, c'est humain. C'est ça. Je sais que je vais plus rien faire maintenant. J'ai décidé d'être une gentille maman, mais c'est vrai que par exemple au travail, c'est vrai que j'en joue un petit peu. Voilà, je suis déjà très tactile. On parle de cul. Oui, voilà, je sais que c'est dangereux, mais j'essaye de m'imposer des limites. Bon, bah tous les midis, je mange avec un de mes collègues et tout. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cul. On se taquine justement. On se taquine, genre pour Noël, on devait se faire des cadeaux. Il m'a offert un billet pour une nuit d'amour, tu vois. Donc bon, bah on en reparle souvent, tu vois. On dit ouais, c'est quand qu'on baise et tout. Mais qui t'a offert ça? Pas. Un collègue. On ne le fera pas. Mon normal, collègue. Mais c'est une super idée de cadeau. Ah, ouais, laissez grave. Pas seul parce que je vais trop gamberger. C'est tout à fait logique comme idée de cadeau à des grave. Collègues. Ouais. On fait ça. Voilà. J'ai stagiaire, tu pourrais offrir à JM du standard un billet pour une nuit d'amour. Quand tu veux, une baise entre collègues. Bah non, une baise entre collègues. Arrêtez, pas avec lui. Ah non, c'est pour rire, mais ça. Ouais, une petite baise entre collègues. Ah, oh, là, là. Non mais après chacun fait ce qu'il veut, mais enfin c'est vrai que un bon pour une baise. C'est vrai, un bon pour t'imagines une baise. Dans une enveloppe. Il est chaud, hein. Il est chaud. Il va sauter dessus. Non, mais en même temps, si t'es trop tactile avec lui, c'est toi qui dois lui faire des appels du pied. Si t'es bien dans la séduction, une fille qui séduit, c'est une fille qui est ouverte hein, pour moi. Elle cherche un peu. Ah bah, oui, c'est vrai que des fois je me réfrène parce que je me dis merde. Mais bon, dans un sens, il en a pas profité parce qu'il y a une fois on a fait une soirée. Je suis restée 3 heures dans son canapé allongé parce que je pouvais plus bouger, j'étais pas en état. Et je me suis allongée les cuisses ouvertes. Ah. J'étais comateuse sur son canapé, on a discuté pendant 3 heures, il en a même pas profité. Donc j'étais déçue. Tu l'attendais en fait. Après oui, avec le recul, je me dis est-ce que j'aurais vraiment dit non s'il avait tenté quelque chose. Ouais, ouais. Ah ouais, un jour ça va se faire. Non, mais de toute façon, à partir du moment où t'as une collègue, parce que moi c'est pareil, parfois t'as des filles comme ça, tu sais pas pourquoi, et te mettre la main sur la tienne pour te parler, et tu dis attends, d'où t'as besoin? Ouais, ah bah de mettre ta main. En 2016, sur la mienne, on fait pas ça. En 2016, tu sens quand même que dans la main il y a des flux qui passent, hein, c'est vrai, il y a une sorte d'énergie. Ouais, ouais. Dans ses mains, quand il met sa main un peu moite sur la tienne et commence à te caresser, tu sens qu'il y a un appel, j'allais dire du pied, mais c'est plutôt un appel de la main. C'est un appel au truc. Après, ça dépend la manière dont tu le fais. Si tu commences à lui mettre la main derrière la nuque quand tu lui fais la bise, bon voilà, tu cherches. C'est chaud, sort la langue et tout. Non, voilà. Mais c'est genre, je vais passer à côté de lui, je vais lui mettre un coup de fesse, ou des fois, je lui mets des mains au cul, mais après, c'est un jeu. Tu lui lèches le lobe quand tu lui fais la bise. Ah ouais. C'est le truc, j'attends. Ça fait beaucoup beaucoup. Dans les oreilles, c'est sale. Ouais, non, mais emprunt, il n'y a pas que ça de sale. Hein, ouais, ouais, après, et donc, tu n'as pas encore avoué à ton mec que pourquoi tu ne lui avoues pas, ton mec, pour repartir sur de bonnes bases? Voilà, chérie, j'ai fait une connerie. Non, non, si je lui dis ça, parce que quand on a failli se séparer, je lui ai juré, enfin voilà, c'est pas bien, mais je lui ai juré que je l'avais, que c'était juste c'était resté un fantasme et que j'avais jamais été plus loin. Mais non, s'il savait que je l'avais vraiment trompé, non, il prend les enfants et il s'en va, là. Donc non. Et maintenant que voilà, après ce qui s'est passé, je me suis dit bon, c'est lui que j'ai épousé, c'est lui que j'ai choisi, l'autre je l'ai laissé tomber et j'ai